Les Cobra Starship à l'instant sur Fun Radio avec You Make Me Feel. Et c'est marrant parce qu'il y a le chanteur de Cobra Starship qui s'appelle Gabe qui m'a fait un jingle pour l'émission, mais il a du mal avec le français. Je vous ferai écouter ça à l'occasion, je vous ferai écouter la version non montée. En fait, c'est incompréhensible, c'est ça? Oh, ben je lui ai écrit un petit texte et je lui ai envoyé par mail. Et puis après, il fait oh, écoute, j'ai un petit peu de mal avec le texte. Mais vous verrez. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous allez passer une bonne matinée. En tout cas, nous, on est là pour rester avec vous jusqu'à 9h30. On va saluer Jola et la baronne. Salut à tous. Qui est en pleine forme ce matin. Ah ouais, méga forme. Au taquet. Elle est plus au taquet que tout, puisque demain, c'est vendredi et que c'est le dernier jour. Voilà. Non, pourquoi. Je suis très contente d'être ici à chaque fois, mais c'est vrai que le réveil est difficile. Le réveil est très, très dur. Hein. Ouais. C'est dommage qu'on fasse pas le morning à 15h. Ah oui, ce serait bien ça. Ce serait quand même vachement sympa. À 15h, tu vois, c'est quand même vachement plus cool. Ouais, et heureusement que nous, on n'a pas de webcam. Parce que si on voyait tes yeux et les miens, je pense que. C'est-à-dire, en plus, je me suis pris un espèce de ch'tard en plein milieu du pif là. Oh, ça fait déjà quelques jours ça. Ah ouais, non, mais là, il est violent. Hein. C'est-à-dire que hier, j'ai l'impression d'être un. J'ai dû aller chez Ikea. Genre j'ai l'impression. Un troisième œil. Ah non, j'ai l'impression d'être l'ambulance. Tout le monde me laissait passer, tu vois. Il manquait la sirène. J'aurais dû prendre la sirène de Sébastien Loeb et tout le monde m'a laissé passer. Oh mon dieu, c'est une urgence, il a du renfort. Ah non, mais violent. De quelle violence. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir un deuxième pif. Alors, c'était exceptionnel. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Donc, voilà, heureusement vraiment que nous n'avons pas de webcam. Bon, heureusement, sinon, hormis ça, je suis quand même l'homme le plus beau du monde, faut le dire, hein, malgré tout. Je n'aurais pas de commentaire à faire. Écoute, c'est bien dommage. Hein, qui ne dit mot consent, j'arrive le général. Oui, oui. Bon, 6h27. On va dans quelques instants faire un tour du côté des infos, bien sûr. On aura ce matin le double fun de Britney Spears. Et attention, double fun de Britney Spears. Ce matin, ça vous fait gagner le nouvel album de Britney Spears, Femme Fatale. Et puis, bien évidemment, la possibilité du coup de vous inscrire pour être tiré au sort, peut-être lundi matin, dans le morning également, entre 6h et 9h30, pour repartir direction Paris, tout frais payé. Assister au concert de Britney Spears et cherchez plus ailleurs. Apparemment, il n'y a plus aucune place disponible. Bah attends, on est les derniers. C'est le genre de concert qui se vend en quelques heures. Exactement. D'ailleurs, il avait été vendu en quelques heures, c'est pour vous dire. Bah on aura également, on va vous rembourser vos factures évidemment tout à l'heure. Là aussi, pour les inscriptions, vous pouvez les faire dès maintenant. 6322, vous débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Message qui est arrivé qui dit non, Michael, t'as raison, c'est toi le plus beau, Julie est moche. C'est Anthony de Mons qui a envoyé son petit message au 3044. Mais c'est très méchant. Merci, merci à toi Anthony. C'est tu es très vraiment méchant. très gentil. Tu es le plus beau des auditeurs également. Et puis j'ai également des écrans plats à vous filer. Écrans plats avec place pour le parc Astérix. Avec la petite question qui colle. Enfin la devinette qui colle maintenant. Alors attention, il va falloir faire travailler un petit peu vos ménages à 6h28. Est-ce que Julie va se planter? Je lui ai déjà donné la réponse. Oh zut. Un docteur vous prescrit 3 pilules. Une à prendre toutes les demi-heures. Le traitement va durer combien de temps? Un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre toutes les demi-heures. Le traitement durera combien de temps? Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1€ le message. Il y a donc, comme je vous le disais, un écran plat à gagner ou alors des places pour le parc Astérix. Je vous le répète une dernière fois. Un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre toutes les demi-heures. Le traitement va durer combien de temps à votre avis? Bonne chance tout le monde. Dans un instant, l'info donc avec Julie. Toff va donc évidemment appeler des gens pour les emmerder comme chaque matin. Mais évidemment. Et bon appétit et également. C'est encore la faute de Julie. J'imagine bien. Bon, en tout cas, on en parlera dans un instant. Mais vous êtes déjà tous contre moi. Oh, pauvre petite. Non, mais c'est tes infos, ça me donne des idées. Bah, c'est ça. Bon, il y aura la ligne anti-relou aussi dans moins d'un quart d'heure. Et le son de Manny et Snoop. Oui. Manny Snoop, ça va arriver dans un instant avec The Mac sur Fun Radio. Bonne matinée. Ne bougez pas. Michael à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Ah, ça fait moins les malins maintenant qu'il y a une petite un petit peu de travail à faire pour trouver la réponse. Hein. Un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre toutes les demi-heures. Le traitement durera combien de temps? Écran plat gagné aux places pour Astérix. C'est au 63,22 que vous envoyez la réponse. On proposait 30 minutes, une demi-heure. Bien évidemment, ce n'est pas la bonne réponse. Hein. Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Allez, attends, est-ce que je peux quand même dire que vas-y. Le fameux Anthony dit que c'est quand même moi la plus belle? Tu racontes des bêtises. Mais c'est incroyable de mitonner comme ça, là, Julie. Et après, tu veux qu'on fasse confiance pour tes infos. Heureusement que je vérifie les SMS. C'est dingue. Et après, tu veux qu'on te fasse confiance pour tes infos. Je t'embrasse fort, Anthony. C'est incroyable. Bon, 6h30, c'est parti maintenant. L'info avec Julie, la baronne mytho. Salut à tous. Il était 5h08 chez nous, 23h08 en Géorgie. Troy Davis a été exécuté par injection létale. La Cour suprême des États-Unis a rejeté un ultime recours de ses avocats. Troy Davis, un noir condamné à mort en 1991 pour le meurtre d'un policier blanc, avait fait l'objet d'une intense mobilisation internationale, des doutes planant sur sa culpabilité. Seul selon des témoins qui se sont adressés à la presse après l'exécution. Il a proclamé à nouveau son innocence dans ses dernières paroles. « Ce n'était pas ma faute, je n'avais pas d'armes. À ceux qui s'apprêtent à m'ôter la vie, que Dieu vous bénisse », a-t-il déclaré. Troy Davis avait 42 ans. Michel Martin peut être bientôt libre. Aujourd'hui, le tribunal d'application des peines de Mons doit rendre sa décision si oui ou non il accepte sa demande de libération. Sous ces nouvelles conditions, l'ex-femme de Marc Dutroux avait été condamnée à 30 ans de réclusion en 2004 pour avoir séquestré plusieurs jeunes victimes de son mari Marc Dutroux et laissé mourir de faim deux d'entre elles, les petites Julie et Mélissa. Le tribunal avait déjà donné en mai son feu vert à sa libération anticipée, mais le plan d'insertion qui prévoyait son installation dans un couvent en France n'avait pas abouti. Anomalie constatée à la centrale nucléaire de Doule, un des systèmes de mesure ne fonctionnait pas correctement lors d'un contrôle. Les mesures correctives nécessaires ont été immédiatement mises en œuvre, a fait savoir Electrabel, qui exploite la centrale nucléaire. Toujours selon Electrabel, l'anomalie n'a eu aucune influence sur la sécurité et la santé des travailleurs, ni sur celle des riverains ou encore sur le fonctionnement des installations. Recul du chômage au mois d'août par rapport à août 2010. La baisse du chômage est de 10,2% en Flandre, de 4,9% en Wallonie et de un peu moins de 4% à Bruxelles. La majorité des jeunes chômeurs, des chômeurs de longue durée et les plus de 50 ans se trouvent en Wallonie. Et plus de la moitié des chômeurs bruxellois sont sans emploi depuis 2 ans et plus. IKEA confirme avoir fait l'objet de chantage. La chaîne suédoise de magasins d'ameublement a été la victime d'une série d'attaques ces derniers mois. Les 5 engins explosifs qui avaient été dissimulés dans des magasins un peu partout en Europe sont bien donc l'objet d'un maître chanteur. Le dernier incident date du 2 septembre dernier. Des explosifs avaient alors été retrouvés dans un magasin IKEA situé dans les environs de Prague, la capitale tchèque. Les mesures de sécurité dans les magasins ont été renforcées depuis ces attaques. Dans une déclaration à la presse, IKEA a fait savoir prendre ce chantage très au sérieux. La chaîne ne souhaite pas pour l'instant donner plus de détails. Actualité sportive en 16e de finale de Coupe de Belgique. Beaucoup de clubs s'affrontaient hier soir. 54 buts en 14 rencontres. On retiendra. Oui, mais je crois que je tombe de nouveau malade. On retiendra que le club de D1, Leuven, s'est incliné 1-2 face à Ruppelbaum, un club de D3. Oui, quand même, c'est pas mal. 6h33, on va passer à la météo. Retour des éclaircies aujourd'hui, même si quelques nuages se reformeront encore. Oui, mais je crois que je retombe malade. Même si quelques nuages se reformeront cet après-midi, température un petit peu en baisse, 14 à 18 degrés. Et dès demain, de belles journées nous attendent jusque, on nous dit quand même, mardi prochain. Ce qui est bien, c'est qu'on nous l'a annoncé déjà depuis une semaine. Donc ça fait une semaine que je dis à des gens, je fais ouais, mais t'inquiète, demain il fait beau. À chaque fois, je reporte. Encore hier, je dis ouais, à partir de demain il fera beau. Et là, tu me dis que c'est seulement à partir de vendredi qu'il fera beau. Donc au final, va-t-il faire beau un jour? C'est la grande question qu'on se pose. C'est la surprise. C'est ça, c'est la petite surprise. Très bien, 6h34, c'est l'info en plus. Fun Radio. Toujours avec Julie, la baronne Mito. Oh, du arabe, du arabe. T'inventes des messages là. Non, enfin, pas du tout, tu as bien c'est vu. Une honte, il est... C'est une honte. Mais que dalle, va voir le message, il est bien là. Mickaël, il est marqué Mickaël Lissa, Mickaël, non, c'est Julie exactement, la plus belle. Mickaël est le plus beau, Julie, tu moches. Persécute la journaliste. C'est dingue, ça. Arrête de dire que je suis mytho, n'importe quoi. Bon, achetez le livre de Journalistes sans frontières. Non, c'est pas ça, c'est Reporters sans frontières. Ouais, c'est, tu vois, c'est la fin de rater, ça. Bon, c'est fini maintenant. J'ai voulu te sauver, tu ne m'aides même pas. Mais non, mais attends. Débrouille-toi. Si je suis père, alors attends. C'est ça, la peau. C'est ça, les persécuter, c'est un drame. Bon, alors l'info en plus. Tu veux vraiment l'info en plus? Oui, j'aimerais bien, oui. Alors j'aimerais bien que tu dises la vérité sur le SMS. Il est bien arrivé. Bon, allez, l'info en plus. Mickaël. Alors, connaissez-vous le Scarlett Johanssoning? Je connais Scarlett Johansson. Enfin, je connais, tout est relatif, mais je connais de nom. Moi, je te parle du phénomène Scarlett Johanssoning. Ah non, tu mets des photos de Scarlett Johansson à poil. C'est pas tout à fait ça, mais tu y es presque. Donc, je vous avais parlé des fameuses photos à poil de Scarlett Johansson qui étaient arrivées sur la toile. Ils sont toujours disponibles sur Internet, sur le site, qui avaient été donc, qui sont toujours disponibles sur notre site, Mickaël, donc. Tout à fait, Mickaël.fm, bien sûr. Et, donc, on avait découvert Scarlett Johansson dans son plus simple appareil, et apparemment, ces photos avaient été volées dans son téléphone portable. Eh bien, depuis cet incident, le Scarlett Johanssoning est apparu, c'est-à-dire que des inconnus se prennent également en photo dans la même position que Scarlett Johansson, c'est-à-dire avec un jeu de miroir, on peut voir comme ça devant, derrière. Oh, sympa. Et les gens postent ça sur Internet, donc tu vois par exemple un vieillard comme ça qui se prend en photo et qui monte ses fesses, un chien, des trucs comme ça, des peluches. D'ailleurs, Julie va faire la même pour mettre sur le site. Ah, avec Gucci? Non, je ne crois pas. Par contre, ce qu'on Gucci, peut faire... Gucci, c'est son chien. Oui. c'est mon chien, effectivement. Mais c'est pas son petit nom. Ce n'est pas mon petit nom, non. Et il y a même un blog qui a été créé pour rassembler toutes ces photos de tous ces inconnus qui jouent à Scarlett Johansson. Quoi. Bon, c'est assez rigolo. Non, c'est assez rigolo. Bon, 6h36 sur Fun Radio. Dans un instant, on va encore parler avec Julie, évidemment. Et puis, on salue également ceux qui sont connectés. Laetitia qui est là. Il y a Maxime sur le groupe Facebook qui dit: vous cartonnez tous les matins. Au taf, je vous écoute. J'adore. Merci. Bah, de rien. Merci à toi, Maxime. Et puis, j'ai mis un petit sondage aussi sur le groupe Facebook. Je l'ai mis ça hier soir, mais il est encore dispo, évidemment, sur facebook.com/mikaelofficiel. Le matin, en jouant à la radio, qu'est-ce que vous préférez gagner? Est-ce que vous préférez gagner des cadeaux ou de l'argent, par exemple? C'était pour savoir si vous préférez pognon, gagner du cash. Moi, je veux du pognon. Bah, pour l'instant, c'est plus les cadeaux qui arrivent en premier. Mais bon, voilà, donnez vos avis. facebook.com/mikaelofficiel. C'est Man et 50. Non, pas du tout. C'est Man et Snoop Dogg avec Yas qu'on écoute maintenant et The Max sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 6h37. Mikael, à la radio. Fun Radio. Man, à l'instant sur Fun Radio avec Yas et Snoop. C'était The Man, justement. Il est 6h41. Bon réveil, tout le monde. Dans un instant, nous irons faire un tour du côté de la ligne anti-relou, comme chaque matin, évidemment, à 7h15. Oh, avec du très lourd ce matin. Avec du très lourd, mais comme chaque matin d'ailleurs. Et puis, on ira faire un tour du côté de l'infotrafic. Je vous rappelle également la petite devinette qui colle. Un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre chaque demi-heure. Le traitement durera combien de temps? La bonne réponse au 63-22. Ah, bah, la réponse, oui, ça c'est sûr. Hein, on proposait 1h30 également. Bien évidemment, ce n'est pas la bonne réponse non plus. 2h encore moins. Et 30 minutes non plus d'ailleurs. Donc, si vous avez la bonne réponse, 63-22, débutez le message avec la réponse tout simplement, et dans moins d'un quart d'heure on vous appelle peut-être en direct pour vous offrir un écran plat ou des places pour le parc Astérix. Un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre chaque demi-heure. Combien de temps va durer le traitement? Allez, bonne chance pour les réponses. Parlons maintenant de Miss Univers. Eh bien oui, Miss Univers qui est angolaise et qui a été couronnée il y a maintenant une semaine. Eh bien, elle est accusée de tricherie. Comment? Et peut-être que donc elle va voir son rêve se briser. Enfin, elle aurait été Miss Univers une semaine. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Elle n'arrivera pas à tout le monde, hein. Ou quoi? Oui, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai essayé, ils m'ont pas pris. J'ai pas compris pourquoi. C'est physique. Tu aurais peut-être dû tricher comme elle. Ouais, je t'explique comment on pense qu'elle a fait. Pour participer au concours, Leïla aurait produit des faux documents attestant qu'elle était étudiante et vivait en Grande-Bretagne. Parce qu'avant de participer à Miss Univers, elle a d'abord dû participer à Miss Angola Britannique. D'accord, c'est Miss Angola Britannique. Ouais, pour y accéder. Et donc, elle a dû dire qu'elle habitait en Grande-Bretagne, etc. Mais en fait, c'est faux. Apparemment, elle habitait toujours chez ses parents en Angola. Non. Mais elle aurait produit des faux documents pour attester qu'elle vivait en Grande-Bretagne. Et donc, pour participer à Miss Angola Britannique pour après accéder à Miss Univers. Apparemment, ce serait l'un des organisateurs qui l'aurait aidé et qui aurait déjà fait ça avant. C'est pas sa première tentative de fraude. Ah ouais. Il aurait été impliqué dans une affaire similaire en 2009. Donc l'enquête est ouverte, même si Miss Univers évidemment dément. Bien évidemment, ouais. Toute accusation. Mais forcément, évidemment. Comme bon. Si elle pouvait tricher. Mais bien sûr, mais pas du tout, pas du tout. Donc voilà, bon, gros tricheur. Dites-nous, tiens, si vous avez déjà triché, que vous vous êtes déjà fait avoir, que ce soit à l'école, au travail, n'importe où, pour voir un peu comment est-ce que vous vous êtes fait avoir. 3044, ou alors venez nous le dire aussi. Donc c'est 50 centimes le message, ou alors sur mon mail, mikl@funradio.be. Tiens, moi, ça fait 10 ans que je fais croire que je sais faire de la radio, personne ne s'est rendu compte. C'est ça. Si, moi, dès que je suis arrivé, j'ai compris. Mais tu vois, on l'a fait pas à l'envers, Julie. On me fait taire. Ben, c'est ça. Exactement, ouais. On lui fait du chantage. Ma vie est en jeu. Bon, sinon, il y a un message qui est arrivé par rapport à la question là. Un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre chaque demi-heure. Le traitement va durer combien de temps? Quelqu'un dit le temps d'épuiser toute la boîte. Oui, mais ça ne me dit pas en termes de temps combien de temps ça va prendre. S'il n'y a que 3 pilules. Si c'est une boîte de 3 pilules. Bah, c'est une boîte de 3 pilules, justement. Bon, 63-22, bonne chance tout le monde. Dans un instant, le son de Shanna Paul avec Alexis Jordan. Et Got to Love You, ça va arriver sur Fun Radio. On parlera du trafic également, ainsi que la ligne anti-relou. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Bon réveil tout le monde, il est 6h47, passons maintenant à l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Alors pour l'instant, pas grand-chose, à part sur le 313 Lumen en direction de Anvers, entre Arenstall et Borgenhout. Le trafic est perturbé, votre vitesse moyenne est de 40 km/h, vous perdez déjà 21 minutes sur votre temps de trajet. Ah bah génial, à 6h48, quelle bonne nouvelle pour commencer la journée. Oui. Tiens, déjà 20 minutes dans le fion. Allez, si partez bien. Maintenant, vous serez quand même en retard. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un accident, d'un radar, n'hésitez pas à nous le signaler également, qu'on puisse transmettre à tous les auditeurs 8 heures de fun, c'est faire péter la solidarité, on va dire. 30-44 par SMS, c'est 50 centimes le message. Ou si vous avez un smartphone, et ben vous m'envoyez ça tout simplement sur le, bah sur le mail, hein, mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, sur Fun Radio, on va se faire maintenant la ligne anti-relou, comme chaque matin sur Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est un seul numéro à connaître par cœur, le 0-473-86-00-13. Et dès que vous rencontrez, croisez un relou, vous n'hésiterez pas bien sûr à lui donner ce numéro, le 0-473-86-00-13. Et donc du coup, bah, quand il y a un relou sur les SMS qui dit c'est Julie Miss Univers. Mais oui, ouais, c'est Anthony, parce qu'Anthony me défend. On salue également la Ligue Braille. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Oh, allez Anthony, viens la consoler. Non mais dis, t'es trop méchant quoi. Bon allez, les numéros qui ont été laissés sur la ligne anti-relou, on va les écouter maintenant, enfin les messages plutôt. Écoutons le premier. Ouais, ben c'est moi, je crois pas que j'ai essayé de t'appeler, tu décroches toujours pas, ben c'est pour savoir quand on aurait pu se voir, parce que je t'ai rencontré et j'ai vu que t'étais belle, quoi. Tu veux dire que t'avais une belle paire de cheveux? Allez, rappelle-moi, une belle paire de cheveux. Mais oh, oui, toi aussi, là, quand tu rencontres une fille, tu lui dis « Tu sais que tu as une belle paire de cheveux. » Mais ça change. Oui, c'est tu vrai. Tu vois, au moins, c'est original. Ah ouais, c'est très original, il passe pour un con. Tu sais ce que j'aime chez toi, Julie? Vas-y. C'est me regarder dans tes cheveux. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, bonjour, c'est Henri. J'ai lu ton message sur Annonce X. Tu peux me rappeler au 02? Merci, bisous. Donc le numéro, la ligne anti-relou tourne sur Annonce X. Ça va être bon, ça. Mais oui, on va avoir pas mal de messages, je pense. Hein. Ça dépend. Annonce X, quoi. Comment est-ce qu'on peut Annonce X. Bonjour, c'est Julie, je suis sur Annonce X. N'hésite pas à venir me parler, je suis chaude. Ça peut être bien comme message, non? Bah oui, bien sûr. Il y a un site de rencontre, ça s'appelle Plan Q. Hein. C'est ouais. Le site, il t'annonce la couleur tout de suite. Ah bah oui, non, mais tant qu'à faire, ouais, autant ouais. Que tu sois cash. Hein. Allez, dernier message pour ce matin. Pas pour Torcy. Ludo, t'es où? On t'attend là. Allez Ludo, mets ton petit string et viens nous voir. Allez Ludo, t'attends. Tout de suite. Ton petit string rouge. Allez Ludo, vas-y, viens. Ah, il est chaud comme la braise lui. Hein. Ah, il est chaud bouillant. Chaud bouillant comme la braise. Bon, eh ben, retour de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure évidemment sur Fun Radio comme d'habitude. Et puis côté musique, eh ben, je vous l'avais promis, on va s'écouter le son de Shana Paul maintenant. C'est Got to Love You sur Fun Radio, 6h51. Bon réveil tout le monde. Shana Paul sur Fun Radio avec Alexis Jordan, c'était Got to Love You. Bon réveil tout le monde, il est 6h53. Dans quelques instants, nous donnerons la réponse à la petite devinette qui colle de ce matin. Donc, un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre toutes les demi-heures. Le traitement durera combien de temps? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. On prendra quelqu'un d'ici quelques instants. Le temps de faire chier un petit peu le monde, évidemment, comme chaque matin, on aime bien ça. Et ce matin, tu vas appeler qui, Toff? On va appeler le Forem ce matin. Ah, tu cherches un nouveau travail? Non, mais justement, moi, mon truc, c'est que j'ai pas envie de travailler. Ah bon? Et comme hier, Julie, elle a dit qu'il y avait 16% de chômeurs en Wallonie, bah, du coup, je vais laisser ma place aux autres, quoi. Ah, en gros, tu veux toucher les allocs, mais rester à la maison. C'est ça, exactement. Et tu penses qu'on va te dire oui? Bah attends, avec tous les mecs qui fraudent, pour une fois qu'il y en a un qui les appelle pour leur dire la vérité, et ils pourraient faire un effort quoi. Mais je suis pas convaincu, mais bon, si tu veux, on peut essayer d'appeler. On va appeler quel forum? Oh, je propose qu'on commence par Liège. On va aller à Liège. Oui. Et bah très bien, allons-y, c'est parti, allons à Liège maintenant. Un pronostic, Julie, de réussite? Un échec. Un échec, d'accord, on y va. Putain, vous êtes pas confiant. Non, bah écoute, excuse-moi. Mais... Oui, en général, c'est un échec donc. Bon, on va voir. Et la réponse juste après. Et l'info également avec Jola. Et... Le forum Sabine, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, écoutez, je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre assez désagréable me disant que j'allais être radié. Et je ne comprends pas comment ça se fait. Hein, soi-disant que je ne me présente pas assez pour trop et que je ne cherche pas activement du travail. Attendez, moi je ne souhaite pas travailler. Ah bah alors vous n'avez pas de sur le chômage non plus alors. Hein. Ah bah attendez madame, il y a 16% de chômeurs en Wallonie. Alors bon, écoutez, vous avez qu'à proposer du travail aux autres. Moi je peux bien rester chez moi pendant ce temps-là. Ben écoutez, vous n'allez pas reposer l'allocation de chômage, vous n'irez pas chercher de l'emploi. Hein. C'est l'allocation de chômage, c'est en attendant de trouver du travail. Hein. Ben non, écoutez, moi, c'est-à-dire que moi, je souhaiterais toucher mes allocations sans chercher de travail. Donc, ouais, à faire, mais ça, c'est pas acceptable par l'ONEM. Hein. Ben oui, mais madame, il y a bien des gens qui travaillent et des gens qui cherchent du travail. Alors pourquoi déranger un honnête glandeur comme moi? Ah, parce que vous trouvez ça honnête, vous. Ben oui, madame, enfin, c'est tout à fait honnête. Je reste chez moi, je regarde la télé, je n'ennuie personne. Pourquoi venir me déranger? Ouais. pourquoi vous venir vous déranger, vous êtes assez au chômage, vous devez chercher de l'emploi, vous serez convoqué par l'ONEM, et comment donc Non, moi je ne me suis pas inscrit pour chercher de l'emploi, madame, je me suis inscrit pour toucher. Ça, vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, donc ça veut dire qu'on cherche l'emploi. Non, non, ça veut dire qu'on attend de toucher l'argent, mais c'est tout. Ça non, veut... non, ça ne va pas comme ça. Oui, mais enfin bon, après, si on s'arrête à ce genre de détails, madame, on n'avance plus. À ce genre de détails, monsieur, ce sont les travailleurs, je vous signale, qui vous payent. Bah oui, c'est on offre les impôts pour vous payer, vous. Bah oui. Alors, non, mais j'estime que... Je les en remercie beaucoup, d'ailleurs, de travailler pour... Je dis, je les en remercie beaucoup, d'ailleurs, de travailler pour moi. Ah, bah oui, c'est sûr. Bah oui, madame, c'est un peu le système. Il y a des gens qui travaillent et qui ne touchent rien, et des gens qui glandent et qui touchent l'argent des travailleurs. Oui, et ben, vous trouvez... Ah voilà. Je crois qu'à un moment donné, elle savait plus quoi dire. Non, c'est surtout que il y a un moment, elle avait plus de répartie. Elle s'est dit attends, mais c'est quoi cette espèce d'approche? Raccroché, voilà. Ah ouais, non, moi j'aurais... Bon, et ben on l'appellera d'autres forêts tout à l'heure. Oui, je suis très déçu qu'elle n'ait pas accepté ma demande. Ouais, bah, c'est tellement étonnant. C'est étrange, effectivement, oui. Quel hasard. C'est étrange, oh, c'est étrange. Déçu, oui. Je suis déçu. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on a la réponse à la petite devinette qui colle. Qui est avec nous? Évidemment, nous avons Dorothée. Bonjour, bonjour. Salut Dorothée, comment ça va? Son 95C. Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir son tour de poitrine, Toff? Non, je sais pas, j'avais envie de fantasmer un peu ce matin. D'accord. Pardon? Tu lui as donné ton tour de poitrine aux antennes? Non, même pas. Non, pas du tout. Ah, d'accord, donc il m'étonne. D'accord, non, mais je me suis dit, mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Dorothée. Alors, elle m'a fait des propositions vaseuses pour gagner, c'est pour ça qu'elle a l'antenne. C'est ça. Dorothée, t'es dans quelle ville? Chapelle-Lerlémont. Chapelle-Lerlémont, tu as 27 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Parfait. Tu as la réponse à la petite devinette qui colle. Je répète la question. Oui. Un docteur vous prescrit 3 pilules, une à prendre toutes les demi-heures. Le traitement durera combien de temps? 1 heure. Mais bien sûr, et non pas 1h30 comme la majorité des gens l'ont dit, puisque si la première est à 10h, la deuxième est à 10h30 et la troisième est donc à 11h. Le traitement va donc durer 1 heure, effectivement. Et bah bonne réponse Débo, bravo à toi, tu vas repartir avec les cadeaux comme promis, je te renvoie au standard. Tu vas gérer entre soit l'écran plat, soit les places pour le parc Astérix. Je te fais des bisous Débo. Ok, ouais, merci. Par contre elle s'appelle Dorothée. Oui, Dorothée, tout à fait. Oui, c'est Dorothée, comment tu veux dire, toi? Mais oui, mais en plus elle me dit rien, c'est Dorothée. Elle me dit oui, merci. Ah non, mais bon, bon, qu'elle a son cadeau, tu sais, elle est contente. Bon, gros bisous Dorothée. Merci, au revoir. À bientôt, ciao à toi Dorothée. Bon ben on remettra le couvert d'ici quelques instants. On va vous poser aussi une autre question là. C'est oui, ben on peut poser la question maintenant. Tiens, quelle bourde a fait la police avant l'arrivée de Ronald Jensen? Enfin Janssen. Alors on dit comment? On dit Jensen. Jensen. C'est un flamand. Bah oui, mais je sais. Mais comme il y en a qui disent Janssen, alors parce qu'il le prononce mal, c'est Jensen. Bah oui, je suis d'accord. Mais bon. Donc je répète, quelle bourde a fait la police à l'arrivée de Ronald Jensen à son procès? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, hein, pour cacher sa tête. C'est un indice, c'est pour cacher la tête de Ronald. Quelle bourde a fait la police avant l'arrivée de Ronald Jensen à son procès? On va y arriver. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, allez-y, bonne chance. Et dans un instant, c'est Gino qui arrive avec Papy. Et on vous paiera vos factures aussi dans quelques instants. Là aussi, pour les inscriptions, c'est dans 10 minutes que ça se passe. 63-22 en débutant le message par facture. Bonne chance tout le monde. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun. 7h du mat sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Les factures, on vous les rembourse dans quelques instants. Et l'info, c'est avec Julie maintenant. Salut à tous, il était 5h08 chez nous, 23h08 en Géorgie. Troy Davis a été exécuté par injection létale. La Cour suprême des États-Unis a rejeté un ultime recours de ses avocats. Troy Davis, un noir condamné à mort en 1991 pour le meurtre d'un policier blanc, avait fait l'objet d'une intense mobilisation internationale et des doutes planant sur sa culpabilité. Selon des témoins qui se sont adressés à la presse après l'exécution, il a proclamé à nouveau son innocence dans ses dernières paroles. Ce n'était pas ma faute, je n'avais pas d'armes. À ceux qui s'apprêtent à m'ôter la vie, que Dieu vous bénisse, a-t-il déclaré. Troy Davis avait 42 ans. Michel Martin peut être bientôt libre. Aujourd'hui, le tribunal d'application des peines de Mons doit rendre sa décision. Si oui ou non, il accepte sa demande de libération sous ses nouvelles conditions. L'ex-femme de Marc Dutroux avait été condamnée à 30 ans de réclusion. collusion pour avoir séquestré plusieurs jeunes victimes et laissé mourir de faim deux d'entre elles, les petites Julie et Médissa. Le tribunal avait déjà donné en mai son feu vert à sa libération anticipée, mais le plan d'insertion qui prévoyait son installation dans un couvent en France n'avait pas abouti. Les chauffeurs des TEC La Louvière ont repris le travail après une journée d'action de grève surprise hier. Les chauffeurs du dépôt ont repris le travail ce matin. Les conditions de travail, notamment la vétusté du matériel roulant et la livraison tardive récurrente de nouveaux véhicules, étaient à l'origine du mouvement d'humeur. Tous les autobus roulent donc normalement dans la région de La Louvière et du centre aujourd'hui. Recul du chômage au mois d'août par rapport à août 2010. La baisse du chômage est de 10,2% en Flandre, de 4,9% en Wallonie et de 3,4% à Bruxelles. La majorité des jeunes chômeurs, des chômeurs de longue durée et les plus de 50 ans se trouvent en Wallonie. Et plus de la moitié des chômeurs bruxellois sont sans emploi depuis deux ans et plus. IKEA confirme avoir fait l'objet de chantage. La chaîne suédoise de magasins d'ameublement a été la victime d'une série d'attaques ces derniers mois. Les 5 engins explosifs qui avaient été dissimulés dans des magasins un peu partout en Europe sont bien l'œuvre de maîtres chanteurs. Le dernier incident date du 2 septembre dernier. Des explosifs avaient été alors retrouvés dans un magasin IKEA situé dans les environs de Prague, la capitale tchèque. Les mesures de sécurité dans les magasins ont été renforcées depuis ces attaques. Dans une déclaration à la presse, IKEA a fait savoir prendre ce chantage très au sérieux. La chaîne ne souhaite pas pour l'instant donner plus de détails. Actualité sportive en 16e de finale de Coupe de Belgique. Beaucoup de clubs s'affrontaient hier soir. 54 buts en 14 rencontres. On retiendra que seul le club de D1, Leuven, s'est incliné 1-2 face à Ruppelbaum, un club de Détroit. Très bien, et restez bien là puisque le double fun de Britney Spears passera entre 7h et 8h. Mais avant ça, 7h03, la météo. Oui, le retour des éclaircies, même si quelques nuages se reformeront encore cet après-midi. Le temps restera sec, température en baisse de 14 à 18 degrés. Et dès demain, de belles journées nous attendent et normalement jusque mardi prochain. Cool, 7h03 sur Fun Radio, c'est l'info en plus dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Il est 7h03 sur Fun Radio et nous allons passer maintenant à l'info en plus. Ça y est, il est tant attendu par tous. L'iPhone 5 sera normalement présenté par Apple le 4 octobre. Exactement, et non plus évidemment par Steve Jobs puisqu'il a démissionné. Ah non, attends. C'est Tim Cook normalement. Oui, alors on ne sait pas si c'est parce que Steve Jobs reste dans la société Apple. Hein. Il est toujours bien présent même s'il n'a plus le titre de directeur général. Donc on se pose la question, peut-être que c'est encore lui-même qui va présenter le nouvel iPhone 5 qui, je vous le rappelle, normalement est donc présenté le 4 octobre. Il devrait être plus léger, plus fin, équipé d'un appareil photo amélioré ainsi que d'un système d'exploitation plus sophistiqué. Ouais, bah a priori, mais bon, c'est des rumeurs, hein, donc on va voir. Voilà, on va voir. On va voir. Rassurez-vous, je vous tiendrai au courant. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Dès que j'aurai les confirmations. Acheté, c'est ça. Non, bah dès que avec j'aurai la confirmation. Tu parles, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on va s'écouter Jennifer Lopez dans un instant et puis on vous rembourse vos factures aussi tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, je dis ça, c'est dans 5 minutes que ça va se passer. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture, comme 390,72€, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a 295€ aussi pour le revenu Gadastral. Alors je ne sais pas ce que le Gadastral, je ne sais pas. 57,19€ pour internet, 330€ pour je ne sais pas quoi, 1800€ pour le personnel de ma maison d'enfant. Bah dis donc, 85,35€ pour une facture de GSM, 380€ pour les vacances en Turquie, 240€ pour les charges, ce serait une aide géniale, 318€ pour la taxe de circulation. On appellera l'un d'entre vous dans 5 minutes. 63-22, vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Si t'avais une facture à te faire rembourser, Julie, ce serait combien là ? Sa porte. C'est bien, la porte de... les deux portes de ma bagnole qui sont toujours dans le même état. Hein. Mais bien cher ça. Depuis... Hein. Ouais, ça a plus de 1000 euros. Bien, bien cher. Ah oui, quand même, effectivement. Ah oui, c'est pour ça que mes portes sont toujours comme ça. Bah c'est ça. Hein. 7h05 sur Fun Radio, bonne matinée, c'est Gilo qu'on écoute maintenant. Le son de Gilo sur Fun Radio, 7h08 avec Papy. Message qui est arrivé par rapport à la question, quelle bourde a fait la police avant l'arrivée de Ronald Jensens à son procès. Et message qui dit, ils lui ont foutu un sac poubelle sur la tête. Bon, ils auraient mieux fait, hein, mais c'est malheureusement pas la bonne réponse. Bon, allez, on va payer les factures maintenant. Allez. Tous les matins. C'est parti. Radio paye vos factures. Avant d'écouter le son de Will Smith avec Miami, on appelle quelqu'un maintenant qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 en débutant le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. C'est parti. Et je vous rappelle également qu'il y a le double fun de Britney Spears qui passera avant 8h du mat et qui vous permettra de partir direction Paris, peut-être assister au concert de Britney Spears. Transport et hébergement inclus, bien sûr. Rembourse combien taf? 12 euros. Oh ouais, bah dis donc, ça vaut pas la peine de. Ah ouais, mais c'est le matin, on y va doucement. Ouais, bah oui. Allô? On rembourse. Allô, bonjour? Oui, bonjour. Bonjour. Qui t'appelle chaque matin pour te rembourser tes factures? C'est Mickaël sur Fun Radio. Mais oui, bien sûr. Bonne réponse. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Hazard. Hazard? Oui. Hazard comme le hasard, le joueur de foot? Non, comme Thierry. Non, non, mais c'est pour savoir. Hein. Ok, d'accord, mais il n'y a pas de problème. Hein. Bon, alors Hazard. Tu as... Oui, oui, ça va bien. Oui, oui, tranquille. Bien. T'es dans quelle ville, Hazard? Bruxelles. De Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, on va te rembourser ta facture. Ouais, génial. Y a pas de problème. Je te fais des gros merci bisous. Beaucoup. Et c'était pour payer quoi, au fait? En fait, c'est une facture pour une collection de livres pour mon fils. Une collection de livres pour le fils. Eh ben, écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Elle est partie chez toi, il n'y a pas de problème. On te la remboursera dès que tu nous auras envoyé la facture. Aucun souci. Gros bisous, merci. Hasard. Tu restes au standard. On va tout expliquer dans un instant, d'accord? Merci beaucoup, bonne je journée. Je t'en prie, gros bisous et bonne journée à toi aussi. Salut, salut. On remettra le couvert tout à l'heure vers 8h10 pour les factures. 6322, vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Voilà, tiens, un message qui dit ils l'ont caché avec une farde. Non, pas du tout, on parle de la tête de Ronald Johnson. Yann, putain, pourquoi je dis Johnson à chaque fois? Parce que tu ne sais pas parler. Mais non, c'est parce qu'on avait un Yann webmaster Sense à l'époque qui s'appelait aussi Yann Sense et pour l'emmerder, on l'appelait Johnson. Ah, okay, et c'est pour ça que ça revient à chaque fois. Ouais. Donc, quelle bourde a fait la police avant l'arrivée de Ronald Jensens, donc à son procès? Donc, on lui a pas mis une farde, on aurait peut-être dû aussi, cela dit, hein, mais non, ce n'est pas ça. La bonne réponse au 6322, donc c'est un euro le message. Et puis, on va s'écouter, avant d'écouter l'horoscope de notre ami Doudou, bien sûr, le son de Will Smith. Britney Spears? Non, Will Smith. Will Smith. Allez, Miami maintenant sur Fun Radio. Il est 7h11, passez une bonne matinée sur Fun. C'est jeudi aujourd'hui, le 22 septembre, et dernier jour de mauvais temps. Normalement, oui, d'après Julie, il fera beau demain. Mytho. Je fais ce que je peux. D'après Julie, il fera beau demain. On verra demain. Will Smith sur Fun Radio à l'instant avec Miami, 7h14. Bon réveil tout le monde. Dans un petit instant, il y aura, dans un quart d'heure, il y aura l'info évidemment avec Julie. Donc restez bien là. Et puis passons maintenant immédiatement à l'horoscope de Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, c'est l'horoscope. Doudou, vous. Doudou est en forme là. Vous buvez du rhum, non? Ah, ça se voit que j'ai fait la fête cette nuit. Ça se voit pas trop, mais ça sent là en fait. Hein. Ah pardon, pourtant j'ai pris une douche avant de venir. Ouais, mais vous auriez peut-être pu penser à brosser vos dents, non? Ah oui, pardon. Oui, bah oui. Bon, allez. Je suis désolé, j'ai oublié. Mais même bah, que ouais, tu ne bois pas de rhum en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Bon, ce serait bien que tu te brosses les dents. Bon, commençons par les béliers. Alors, au travail, le soleil brille, votre compte en banque est bien rempli, votre carrière va très très ouais, bien. Comme quoi, Doudou raconte de la merde. Mais non, c'est pas vrai. Ah si, si. Mais les, non, mais. Les taureaux. Poursuivez cette voie et veillez à ce que chacun puisse s'exprimer. Les gémeaux. Attention, vous courez le risque de vous surmener, alors reposez-vous, sautez le hamac aujourd'hui. Bon, les cancers. Soyez aujourd'hui réceptifs aux signaux et lisez entre les lignes. Un contrat, joli peut-être. Eh bien, j'espère, ben j'espère. Oui, qui sait. Les ah, lions. Alors, les lions, pensez aujourd'hui à votre santé et modérez-vous sur les stimulants. Mais les... oui, ça sert à rien de s'exciter pour rien. Ah bon, non, ça c'est sûr. Les lions. Les lions, pourquoi les lions on a déjà fait, non? Oui, tout à fait, les vierges. Alors, un cours harmonieux vous rend souple et ouvert à l'amour. Les balances. C'est un bon sentiment quand la patience est enfin récompensée. Les scorpions. Une bonne idée vous permet un grand succès. Alors réfléchissez bien aujourd'hui. Les sagittaires. Si vous continuez de vous surmener, vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Alors, ce soir, vous rentrez tôt et vous vous mettez au lit. Les capricornes. Vous êtes plein d'énergie, comme en début de printemps. Les Verseaux. Vous êtes sous pression et les exigences professionnelles vous donnent du fil à retordre. Et les poissons pour finir. Un peu de nouveauté ne serait pas une mauvaise chose dans votre vie amoureuse. Bon, Doudou, on vous retrouve dans une heure. Quelque chose à toi. Ouais, décuvez un peu hein, d'ici une heure là, parce que là, vous avez l'air un bout du genou. Allez vous brosser les dents. Ouais, ouais, allez vous brosser les dents. Où est-ce que je vais trouver une brosse à dents? Ouais, bah ça, débrouillez-vous. Allez voir chez le pharmacien, j'en sais rien moi, débrouillez-vous. Bon, à tout à l'heure, Doudou. Oui, à tout à l'heure. Bon, très bien. Et je vous l'avais dit, 63-22 en débutant le message par Star, dès que vous entendez le double fun de Britney Spears, puisque vous allez pouvoir repartir de 1 avec le nouvel album de Britney Spears, Femme Fatale. Et en plus de ça, peut-être aussi vos deux places direction Paris, transport et hébergement inclus, pour aller assister au concert de Britney Spears. En tout cas, on va se faire le premier son maintenant. Y aura-t-il un second derrière? On ne sait pas, on verra. On va se faire le son de Britney Spears, Nicki Minaj et Kesha maintenant. C'est Till the World Ends. Et voilà le double fun de Britney Spears qui vient de passer à l'instant. C'était donc Tree et juste avant ça, Till the World Ends. Bon bah voilà, c'est une bonne nouvelle là. Ça y est, c'est plié maintenant là. Attends, t'entends mal, Julie, tu dis? La journée est belle. La journée est belle, oui. Oui, bah oui. Puisqu'il y a l'auditrice Aurélie qui est venue apporter le petit déj. Ah oui, oui. Et on ne m'avait pas dit, c'était la petite surprise. Toff, il le savait, il nous avait rien dit. Mais oui, regarde ça, regarde Julie. Oh là là, c'est-à-dire qu'elle tient la gueule jusqu'à maintenant. Non, c'est pas vrai. Regarde, elle a le sourire, la banane jusque derrière les oreilles. Ah bah oui, oui, bah oui. Surtout que là, elle a ramené deux coucs au chocolat pour July. Bah ouais, non, là. Non, pas une, mais deux. Deux coucs au chocolat. Oh là. La journée avait mal commencé avec tes méchancetés, Mickaël. Bon, mais tout de suite exagéré. Tout de suite exagéré. On est sauvé. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre alors hein, je te jure, sans déconner. Charmante auditrice qui s'est mise une fois de plus à côté de toi. Je pense qu'il a, il attire les. T'as vu, les gens viennent près de moi. Ah les oui, gens non, non, je, mais, ah parce mais toujours. Voilà. Parce que les gens ne te connaissent pas. Ah, c'est ça. Le truc, c'est qu'elles vont toujours vers lui, mais qu'elles partent très vite. En plus, elles se penchent un peu vers lui comme ça. Donc je. Non, non, non. Je pense qu'il y a un anguille sous roche. Ah, maintenant, elle s'approche de toi, par contre. De toi. On peut faire un truc à trois si vous voulez. Non, non, Toff, par pitié. Elle hésite. On peut aller manger ensemble. Alors là, oui, là, oui, tout bien sûr, c'est ça. Bon, oui, juste pour rappel, donc il y a eu le double fun. Donc si vous voulez vous inscrire, on fera un tirage au sort avant 8h, normalement. 63-22, débutez le message par Star avec vos coordonnées complètes pour avoir une chance de repartir avec vos places direction Paris pour aller assister au concert de Britney Spears. Tout frais payé, hôtel et transport, bien évidemment. Tiens, mais ça faisait un petit moment là qu'on n'avait plus de nouvelles de nos amis là. Oui, de nos amis ch'tis. Bah oui, je sais qu'ils vous ont manqué. Alors l'émission, donc c'est les Ch'tis à Ibiza, qui n'est malheureusement pas encore diffusée en Belgique, mais qui fait déjà le buzz sur Internet. Ouais, mais ils sont tellement énormes les mecs. Enfin, je sais pas comment ils les ont trouvés. Non, bah c'est des cassos quoi. Mais il y a juste un truc qui est vachement bien, c'est que heureusement l'émission n'est pas traduite. Oui, oui, c'est assez. T'imagines la honte dans le monde pour la France. C'est clair. Et encore, là encore, on a un très bel exemple ce matin. Là, écoutez. Il y avait un rayon un peu farce et attrape, des conneries comme ça. Je tombe sur quoi? Sur un sexe masculin en silicone avec les spermatozoïdes à l'intérieur. Le truc super drôle. Ouais. On rigole pas des mêmes choses en fait. Non, c'est ça, ouais. C'est très drôle. Excuse-moi, là. Mais non, c'est mais bien déconner. Le genre de truc pour lequel tu pourrais rigoler. Bah, quoi. Oui, enfin, ça bon, se là. Fait la journée, ça. Ouais. Oh, sexe en silicone avec des spermatozoïdes à l'intérieur. Mais non, c'est non, bon, mais, content. Mais non, mais pour lui, c'est normal de voir ça. Toff devrait aussi aller rejoindre les ch'tis à Ibiza. Je suis sûr que tu c'est pourrais vrai. Te sentir parmi mais les tiens. Le problème, c'est qu'il est pas ch'ti. Ouais, je suis pas ch'ti, mais par contre, ouais, Ibiza, moi, quand il veut. Ah oui, bah quand il veut, moi, j'y vais. Bon, et cela dit, je commence aussi à me demander si on parle vraiment la même langue qu'eux. Jordan rodait un petit peu autour des filles parce qu'il n'était pas d'accord que les hommes soient sur nous. C'est vrai qu'on voulait, on attendait qu'une chose, c'est qu'ils se barraient, quoi. Qu'ils se barraient. Mais oui. On attendait qu'une chose, c'est qu'ils se barraient. Est-ce qu'ils mettent des sous-titres ou quelque chose comme ça? Bah, ils devraient, hein. Je ne sais pas, ouais. Parce que nous, on a des avant-diffusion, donc. Non, oui, c'est ça, c'est pas encore diffusé, donc on verra. Enfin bon, cela dit, on verra si effectivement il y aura des sous-titres ou pas. Mais bon. Bon, et alors, petite question aussi, là, dans un épisode, nos amis les ch'tis vont aller voir une voyante, justement. Regardez. Tu fais les cartes pour quelque chose en particulier? Pour les gonzesses. D'accord. C'est parce que pour moi, les amours. L'amour. Mais moi, j'ai les amours parce que j'en ai plusieurs. D'accord, en fait. Oui, c'est mieux à ton âge. Oui, c'est mieux, oui. Ouais, bon, bref. Parce qu'en fait, tirer les cartes, tirer les filles, le mec, il a cru que c'était la même chose. C'est hein. Ça, c'est ça, c'est mais, ça. Mais non, c'est du différent. Papier. La reine de cœur, elle va pas sortir de la carte, mec, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est un indice pour la prochaine devinette qui colle. Bref. Tiens, Julie, petite question là. Celle qui te tire les cartes, qui te dit l'avenir, c'est une voyante. Voilà. Eh bien, pas pour Christophe. La croyante m'a dit que j'allais. La croyante. Je remets pour ceux qui n'ont pas entendu. La croyante m'a dit que j'allais loin. Oui, elle est loin, ça c'est sûr qu'il est bien loin lui. Hein. C'est le Yepa, ça non? C'est lui qui dit Yepa. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Jordan. Oui, c'est Jordan. Mais je crois qu'à un moment, les mecs, il faut leur offrir des cours particuliers, quelque chose. Écoute, franchement, je me demande. La croyante. Mais c'est ça peut-être qu'il gagne à la fin. Il gagne quelque chose ou pas du tout? On les suit juste comme ça. Un dictionnaire. Oui, c'est ça, oui. Ils gagnent le fait de passer pour des gogoles dans leur quartier pendant des années. C'est ça. Mais ça, par contre, je pense qu'il l'avait déjà avant l'émission. On n'est pas sûr. Maintenant, tout le monde va les reconnaître quand ils vont aller au supermarché. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, on va prendre le gagnant maintenant pour la petite question qui colle. Mais oui, allons-y. Mais qui est avec nous, bonjour. Nous avons Jonathan. Jonathan, hello Jonathan. Il cherche toujours son David. Bon, c'est drôle ça. Une vieille vanne des années 80 là. Ouais, c'est ça, là, c'est bien dépassé. Je crois que la plupart des auditeurs n'ont même pas compris c'est tellement c'est vieux. C'est faux. Avec tous les gens qui passent à l'antenne qui ont plus de 40 ans, c'est vrai. Faux, la chanson c'était faux. Est-ce que tu viens pour les vacances, David et Jonathan. Vacances. Et tous les mecs bourrés en boîte, ils la connaissent. C'est vrai. Ah, ça bon, c'est vrai. C'est Jonathan, tu as quel âge, dans quelle ville, Jonathan? Bruxelles. De Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles, sois le bienvenu. Alors, Jonathan, tu avais la réponse à la petite question qui colle. Quelle bourde a fait la police avant l'arrivée de Ronald Jensen à son procès? Eh ben, ils ont tapé P Magazine devant sa tronche. Oui, exactement. Avec une belle meuf. Quasiment un poil. Ouais, quasiment, elle a un petit bikini. Donc on voit qu'à la police, ils savent passer le temps pendant qu'ils sont en train de faire. C'est sûr, un magazine de Ronald lui-même. Non, mais ça m'étonnerait. C'est à mon avis, pendant qu'il faut une filature, tu vois, ils sont là, ils attendent, et regardent les magazines, quoi. Il faut passer le temps, c'est normal. Et la photo est juste énorme, quoi. Tu vois vraiment, sa tête est cachée par une grosse paire de seins. Ah oui, elle est énorme, la photo. Quel manque de respect pour. Parce que je vous rappelle quand même, le gars, il a tué des jeunes, quoi. Il a violé des filles et tout, et on lui met une photo de grosse. Enfin, bon. C'est vrai. Bref. Je suis lié et scandalisé comme beaucoup d'ailleurs. Non mais c'est vrai, c'est dégueulasse. Parce que tu vois, c'est pas n'importe quel criminel. Et le gars, il est accusé de viol, quoi. C'est juste énorme. Bon, en tout cas, Jonathan, bravo à toi. Tu repars avec les cadeaux. Je te renvoie chez Toff au standard, ok? Génial, merci. Je t'en prie. Salut à toi, Jonathan. Et puis restez bien là dans un instant. La devinette qui colle. L'info également. Et le son de Kat de Luna qui arrive aussi avec Drop It Low sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 7h27 et puis nous on va prendre le petit déj. Hein. Ah bah oui. Oh, je pense que ça me paraît pas mal ça. Allez. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio à 7h29. Bon réveil tout le monde, c'est jeudi aujourd'hui le 22 septembre. Et vous le savez, toutes les heures à la demi, on vous file les écrans plats ou les places pour le parc Astérix en répondant à une petite devinette qui colle en l'occurrence. Qu'est-ce que l'on pose sur la table qu'on coupe mais qui ne se mange pas? J'avais dit tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un petit indice que Toff avait donné dans les ch'tis là. À propos de la voyante, tout ça, etc. Donc, petite devinette que je repose. Qu'est-ce que l'on pose sur la table qu'on coupe, mais qui ne se mange pas? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message, écran plat à gagner ou place pour le parc Astérix. Et pendant que Julie fait les infos, nous, on va bouffer. Allez hop, c'est parti. Salut à tous, il était 5h08 chez nous, 23h08 en Géorgie. Troy Davis a été exécuté par injection létale. La Cour suprême des États-Unis a rejeté un ultime recours de ses avocats. Troy Davis, un noir condamné à mort en 1991 pour le meurtre d'un policier blanc, avait fait l'objet d'une intense mobilisation internationale, des doutes planant sur sa culpabilité. Selon des témoins qui se sont adressés à la presse après l'exécution, il a proclamé à nouveau son innocence dans ses dernières paroles. Ce n'était pas ma faute, je n'avais pas d'armes. À ceux qui s'apprêtent à m'ôter la vie, que Dieu vous bénisse, a-t-il déclaré. Troy Davis avait 42 ans. Et Michel Martin peut être bientôt libre. Aujourd'hui, le tribunal d'application des peines de Mons doit rendre sa décision. Et si oui ou non, il accepte sa demande de libération sous ces nouvelles conditions. L'ex-femme de Marc Dutroux avait été condamnée à 30 ans de réclusion pour avoir séquestré plusieurs jeunes victimes de son mari et laissé mourir de faim deux d'entre elles, les petites Julie et Mélissa. Le tribunal avait déjà donné en mai son feu vert à sa libération anticipée, mais le plan d'insertion qui prévoyait son installation dans un couvent en France n'avait pas abouti. Les chauffeurs des TEC La Louvière ont repris le travail après une journée d'action de grève surprise hier. Les chauffeurs du dépôt ont repris le travail ce matin. Les conditions de travail, notamment la vétusté du matériel roulant et la livraison tardive récurrente de nouveaux véhicules, étaient à l'origine du mouvement d'humeur. Tous les autobus roulent donc normalement dans la région de la Louvière et du centre ce matin. Recul du chômage au mois d'août par rapport à août 2010. La baisse du chômage est de 10,2% en Flandre, de 4,9% en Wallonie et de 3,4% à Bruxelles. La majorité des jeunes chômeurs, des chômeurs de longue durée et les plus de 50 ans se trouvent en Wallonie. Et plus de la moitié des chômeurs bruxellois sont sans emploi depuis 2 ans et plus. IKEA confirme avoir fait l'objet de chantage. La chaîne suédoise de magasins d'ameublement a été la victime d'une série d'attaques ces derniers mois. Les 5 engins explosifs qui avaient été dissimulés dans des magasins un peu partout en Europe sont bien l'œuvre de maîtres chanteurs. Les mesures de sécurité dans les magasins ont été renforcées depuis ces attaques. Dans une déclaration à la presse, IKEA a fait savoir prendre ce chantage très au sérieux. La chaîne ne souhaite pas pour l'instant donner plus de détails. Actualité sportive. En 16e de finale de Coupe de Belgique, beaucoup de clubs s'affrontaient hier. 54 buts en 14 rencontres. On retiendra que seul le club de D1, Leuven, s'est incliné 1-2 face à Ruppelbaum, un club de D3. 7h33. Avec la bouche pleine, oui. Non, pas du tout. 7h33, la météo maintenant. Retour des éclaircies, même si quelques nuages se reformeront encore cet après-midi. Le temps restera sec. Température en baisse de... Non, le temps restera sec. Oui. Température en baisse de 14 à 18 degrés. Dès demain, de belles journées nous attendent. Et jusque mardi prochain. Oh, mon Dieu, on est en stress là. Bon, la fois en plus à 7h33. Connaissez-vous le Scarlett Johanssoning? C'est un phénomène qui a débarqué sur Internet depuis la fameuse affaire de Scarlett Johansson nue. Exactement, c'est des photos, elle s'était prise en photo justement. D'ailleurs, elles sont sur amical.fm si vous voulez aller évidemment, voir. Évidemment, pensez bien, j'ai annoncé l'info la semaine dernière. 2 minutes après, les photos étaient sur le blog de l'émission. Hein. 30 secondes après même. Ouais, pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire, c'est que effectivement, des photos de Scarlett Johansson nue avaient fait le tour de la toile. Elle s'était prise en photo elle-même avec son téléphone, son GSM, son téléphone portable, et les photos avaient été volées, piratées sur son GSM et mises sur Internet. Alors les photos, on la voyait comme ça se prendre en photo de face, mais en même temps avec un jeune miroir derrière pour voir sa courbe et ses jolies petites fesses. Ouais, mais c'est là qu'on remarque d'ailleurs, parce que sur les photos qu'on a mises, on a mis Scarlett Johansson et à côté de ça une photo d'elle maquillée. Ouais. Et waouh, c'est très dur. Hein. Ouais, enfin en même temps là c'était apparemment sa tête qui intéressait. J'imagine, ceux qui ont maté les photos, parce qu'on voit quand même bien ses formes. Bien sûr. Et donc le Scarlett Johanssoning, qu'est-ce que c'est? Ce sont des internautes qui se sont amusés à se prendre eux aussi en photo dans la même position, c'est-à-dire avec le GSM de face et petit jeu de miroir derrière pour voir les fesses. Et donc tu vois plusieurs photos qui circulent. Alors même des vieux qui sont pris en photo, des chiens qu'on a pris en photo. Enfin bon, c'est un petit peu rigolo. Et tout ça se retrouve sur un blog sur Internet. Donc vous devez taper Scarlett Johanssoning pour le trouver et c'est assez rigolo. Et faites pareil. D'ailleurs Julie a pris le pas déjà. Hein. Pas du tout. Mais ouais, mais tout à fait. C'est un rêve, une photo fois de plus. Des fesses de Julie. Non, pas du tout. Vous pouvez aller voir sur le site Scarlett Johanssoning. Vous tapez sur Google. Je ne vous ferai pas ce cadeau. Désolé. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment ballot ça. 7h35 sur Fun Radio. Bon, on va continuer le petit déj, nous. Hein. Ah, moi, je vais le commencer par voilà. Oui, moi aussi, j'ai pas. Voilà. Mais moi, j'ai goûté. Super bon. J'ai déjà goûté la coke à la crème. Elle déchire. Hein. Très, ouais, très bonne coke à la crème. Moi, les pains en chocolat, là, ils ont l'air parfaits. Très, très bonne coke à la crème. C'est une coke à la crème. Attends, mais ça fait 4 étages, ce machin. Ah ouais. C'est World Trade Center. Ah non, moi, ça va très bien, le pain en chocolat. Oh, il en a mis partout, mais quel dégueulasse. C'est quel dégueulasse. Oh là là, je vous jure. Bon, dans un instant, nous allons faire le Mickaël réveille la Belgique ou alors le petit déj service. Si vous voulez faire l'un ou l'autre et vous voulez jouer avec nous, 30-44, débutez votre message par déj ou par réveil, tout simplement. Et on écoute le son de Cap de Luna maintenant. C'est Drop It Low sur Fun Radio. Et pendant Julie a un orgasme en direct. Oh là là. Kate Deluna sur Fun Radio avec Drop It Low, Fatman Scoop également à 7h39. Bon réveil tout le monde. Ben, je vous rappelle aussi la petite question qui colle maintenant. Enfin, devinette qui colle. Attention, ne mélangeons pas tout. Qu'est-ce que l'on pose sur la table, qu'on coupe mais qui ne se mange pas? On proposait des fleurs en pot. Non, pas du tout. Une nappe. Ce n'est pas ça non plus. Donc qu'est-ce qu'il y a aussi? Où est-ce qu'il est le message que j'avais eu? Il y a quelques bonnes réponses évidemment qui sont arrivées, encore heureux. C'est un réveil, c'est Guillaume qui avait proposé ça. Ce n'est pas ça non plus. Bref, si vous avez des propositions, eh bien n'hésitez pas. 6322 comme chaque matin, donc à la demi et toutes les heures. On vous offre ça, c'est génial. Un écran plat. J'adore cette auditrice qui est venue nous apporter le petit déjeuner. Ouais, et bien écoute, top, essayez une fois de plus de me dégoûter en léchant sa crème avec une enfin d'une façon dégueulasse. Et l'auditrice Aurélie a eu le très bon réflexe de taper un petit coup pour qu'il se l'enfonce dans le nez. Non, bah c'est très bien. Elle sent la bouche. Et alors, elle est contente. Et là, forcément. Et vu le pif qui se tape, la coque est boutue, hein, c'est clair. Ouais, ça, c'est génial. Allez, continue à manger, Julia. Mais c'est bon. Mon petit déj, j'allais mourir ce matin, mais c'est ça. C'est ça. Bon, qu'est-ce que l'on pose sur la table et qu'on coupe, mais qui ne se mange pas? 63-22, si vous avez la bonne réponse. Non, un petit indice, bataille. Ah, j'aurais dit oui. Whist. Fontaine? Non, du tout. Ah, j'aurais dit whist. Whist aussi, si tu veux. Une planche à tartiner, non, c'est pas ça non plus. Hein. Ça se joue, hein, ça se bouffe pas, hein, comme on l'a dit. Voilà, 60. Et en tout cas, ça n'aide même pas à manger non plus, à couper quelque chose ou quoi que ce soit. 63-22, c'est 1 euro le message. Bonne chance. Oui, tu peux essayer, c'est vrai. Et nous avons Loeb en direct de Charleroi pour Mickaël Réveille la Belgique. Salut Sébastien Loeb. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Tu sais qu'il te reste, il te reste 45 minutes pour revenir pour faire la déclaration express et après il va encore se plaindre comme hier dans le bureau. Putain, il s'énerve. Qu'est-ce qui lui arrive encore à celui-là? Et ouais, j'ai encore reçu un flash. Ils me font chier avec des radars partout. Enfin, Loeb, c'est mal, tu roules trop vite. Non, mais ça va, il n'était qu'à 160 au lieu de 120. Hein. Ah bon? Ouais, alors tout pour que tout le monde soit rassuré. Hein. Envoie ta facture. Hein, ouais, en plus, c'est bien parce que demain, nous avons la police qui nous apporte le petit-déj. Hein. Ils te parleront, ouais, t'inquiète pas. Ouais. Bon, alors, Sébastien Loeb, t'es où à Charleroi pour un petit Mickaël Réveille la Belgique? Alors, je suis du côté de Marcinelle. Marcinelle, d'accord. Et 135 voilà, pour je écouter suis dans Fun. Dans une rue. Ouais. Et je vois que les gens commencent tout doucement à se réveiller. Donc, comme il y en a qui ne sont pas encore réveillés, bah, je vais leur montrer vraiment ce qu'il faut faire. Très bien. Donc, c'est 103.5 la fréquence. N'oublie pas de la dire. Hein. Ok. 103.5 à Charleroi. Parti. Allez, c'est parti. Déjà, Charleroi. Il s'éclate, hein, il adore ça. Quoi. Est-ce qu'il a mis son costume de lapin aujourd'hui? Je sais pas. Voilà. Tu t'es habillé en lapin ou pas aujourd'hui? Je commence à regarder par la fenêtre, je vais cavaler là. Mais non, mais faut pas cavaler. Est-ce que tu regardes bien? C'est bizarre, j'ai pas envie de me prendre une balle. Surtout oh, habillé en lapin. Surtout habillé en lapin. Arrête, t'es habillé en lapin. Il est par un chasseur. Très bien, oui, c'est ça, oui, exactement. Est-ce que tu vas te faire tirer dessus? On ne sait pas, justement. Bon, bah très bien. Bon résultat. Est-ce qu'il va tirer comme un lapin à Charleroi? Ah, ça, je ne sais pas. Vous écoutez quelle radio? C'est très bien. On a une auditrice ici. Comment tu t'appelles? Sonia. Ok, Sonia, tu peux parler? Tu veux dire un petit mot à l'antenne? Non, pas vraiment, mais un petit bonjour à tout le monde. Eh ben voilà. Bonjour de Sonia, Charleroi. Loeb. Marcinelle. Loeb. Qui nous écoute sur le 103.5. Oui, on se doute bien. Loeb. Loeb, mets-lui le parlophone devant sa bouche pour qu'elle dise Mickaël Réveille la Belgique. Elle vient de partir. Ah, mais il y a des autres personnes alors. Bon, bah demande-le un autre petit là. Bonjour. Vous écoutez quoi comme radio? C'est mieux Fun Radio. C'est ça le jeu. Il est bientôt mort, on va pas lui en vouloir. Alors, on a un auditeur qui est là et qui va crier. Comment tu t'appelles? Rudy. Bonjour. Voilà, Rudy. Et tu vas crier Mickaël Réveille la Belgique de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Ah. Vas-y. Hein. Non, Mickaël Réveille la Belgique. Tous les matins sur Fun Radio, dans le parlophone, enfin dans le mégaphone. Tous les jours de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Oh, bah, bon, ils sont pas capables, je vais le refaire une fois. Oh, bah vas-y, refais-le pour la fille. La fille m'appelle, elle veut qu'on se passe. Voilà. Star du quartier. Bah, bon, on a Marcinelle ce matin là. Alors, à 9h30 sur Fun Radio. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Ouais, allez, à 10h. Ouais. Voilà. On va pas chipoter pour la demi-heure, hein. Y'a pas de problème. Bon, Loeb. Oui. Bonne journée à Marcinelle. Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon, et faites gaffe si vous croisez un lapin, Marcinelle, écrasez-le, hein, c'est Loeb. Bon, à tout à l'heure Loeb pour la déclaration express. Ok, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et puis restez bien là, dans un instant on va revenir avec la réponse à la devinette qui colle et avec le son de Deep Side DJs. On est en retard. C'est la faute de Loeb ça? C'est ça, il parle pendant 2 heures là. Dans un instant, on fera un tour du côté de l'infotrafic. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route 3044 ou mikael@funradio.be et la ligne anti-relou, c'est dans 3 minutes. Ne bougez pas. Mikael à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Radio, il est 7h49. On fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Alors, accident sur la N466 à hauteur de Ham. C'est dans les deux sens. La chaussée est fermée. Une déviation locale a été mise en place. Et puis, je vous rappelle ces travaux sur le 313 à Celt en direction de Anvers à hauteur de Ham. Très bien. Et un message qui est arrivé, bouchon sur la E42. E42. E42 direction Mons à hauteur. C'est à cause des travaux. Voilà, je n'ai pas la suite du message. C'est à cause des travaux, on ne peut pas rouler à plus de 70 km/h. Et je vous rappelle, j'en avais parlé hier, qu'il y a des radars à cet endroit, donc soyez prudents. D'accord. Travaux donc sur la 42, Liège en direction de Mons, à hauteur de Sambreville. Parfait. Et un message qui est arrivé pour le Lob également, qui est à Charleroi ce matin pour le réveil de la Belgique. Dis-lui qu'il vienne à Couillet, juste à côté de Marcinelle. Je vous offre le petit-déj. Appelle-moi pour confirmer. Ah oh bah écoute, on va l'appeler, hein, Lob, il va y aller. Hein. Bah évidemment. Bah pour aller prendre le petit-déj gratos. Tu vas voir qui va y aller là. Tu vas voir qui va y aller. Bon, dans un instant, c'est. On va le faire maintenant, tiens, c'est parti, hop là. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. Bah, la ligne anti-relou, c'est maintenant. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et c'est chaque matin sur Fun Radio, la ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés au 01, pas du tout, au 04. Tu inventes un nouveau numéro. Ouais, 04-73-86-00-13. Allez, on écoute maintenant le premier message de ce matin. Ouais, je dis donc, je dis, Wanda, ben voilà, si t'as la mise en droit de sa boîte, alors je vois qu'il y a moyen économique un coup, quoi, ça va ? Alors rappelle-moi, ben le jeu, tiens, tiens, bisous, bisous. Oh putain, ça c'est le message qui déchire. Ah salut Julie, écoute, je t'ai vu en boîte, c'est pour savoir si vous voyez qu'on dit qu'un coup. C'est pas peut-être qu'il a, il s'est pris 3 tasses de café, ouais. 406 boissons énergétiques pour donner du punch. Ou un rail. Oh non, bah, pas si, de drogue. Si, c'est possible. Non, non, non, pas de drogue. C'est mal, mais c'est possible quand même. Non, deuxième mal. Message. Ouais, ben c'est moi, je crois pas déjà une t'appeler, je décroche toujours pas, ben c'est pour savoir quand on aurait pu se voir, parce que je t'ai rencontré et j'ai vu que t'étais belle, quoi. Tu veux dire que t'avais une belle paire de cheveux? Allez, rappelle-moi, bisous. J'ai vu que t'étais belle. Je crois qu'il s'est lancé sur quelque chose et puis il s'est dit... Non, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Belle paire de seins, il y a que ça que je vois. Hein, non, mais... Parce que tu vas pas dire une belle paire de mains, mm-hmm. hein, une belle paire de fesses. Pieds, une belle paire de fesses, ouais, à la limite. Mais belle bon. Paire d'yeux. Bah, dans les deux cas, paire de fesses et paire de seins, tu le dis pas sur un téléphone, comme ça, au premier rencard. Donc, il a voulu s'arrêter avant et puis il s'est fait de cheveux. Ouais. Cheveux. Sauf non. que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a l'option quand tu laisses ton message. Si tu veux recommencer ton message, tu poses sur un bouton, je sais plus lequel, ouais. et tu peux la recommencer. Ligne anti-relou, je crois qu'un relou, c'est que. Ouais, c'est pas faux. Mm-hmm. Allez, deuxième et troisième message maintenant. Oui, bonjour, c'est Henri. J'ai lu ton message sur Annonce X. Tu peux me rappeler au 02 numéro 6. Merci, bisous. Mais le numéro tourne sur Annonce X. Faites attention, les gars. Faites attention. Faites attention. Bon. Retour de la ligne anti-relou, ce sera bien sûr tout à l'heure dans moins d'une heure. Et je vous répète une dernière fois la petite devinette qui colle pour gagner les écrans plats. Écrans plats à gagner ce matin ou les places pour le parc Astérix. Qu'est-ce que l'on pose sur la table qu'on coupe mais qui ne se mange pas? Ce n'est pas des croûtes de fromage comme quelqu'un l'a dit. Ce n'est pas un menu également non plus. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message. Allez-y, bonne chance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bataille. Whist. Cœur. Tarot. Carreau. Oui, j'ai merde. Oui. Pierre. Non, j'ai dit tarot. Pied. Pas dit carreau. Oui, moi j'ai dit carreau. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message. Normalement, ça devrait plutôt être facile. Là, ça va, écran c'est bon. Plat, ouais, écran plat à gagner ou place pour le parc Astérix. Dans quelques instants, c'est Toff qui va encore téléphoner au forum pour leur dire qu'il ne bah, veut pas bosser. Hein. Bah oui, ah bah il n'y a pas de raison. Bah voilà. Il n'y a pas de raison, mais merde après tout. Hein. On est quand même là pour te payer ton chômage. Donc exactement. Toi, pourquoi aller travailler? Allez, Deep Side DJ sur Fun. 7h55 sur Fun Radio avec les Deep Side DJs à l'instant, c'était Never Be Alone. 7h56 maintenant, tiens. Dans quelques secondes, nous allons prendre quelqu'un qui a la bonne réponse à la devinette qui colle, que je vous répète une dernière fois, c'est pour le sport. Qu'est-ce que l'on pose sur la table qu'on coupe mais qui ne se mange pas? La bonne réponse au 63-22, ce n'est pas un trèfle, hein, parce que quelqu'un a proposé le trèfle. Quand on avait dit le roi tout à l'heure, la dame, tout ça, c'était des indices. Ouais, on coupe souvent un trèfle qu'on pose sur la table. Tout à fait, exactement, on le coupe et puis après on le bouffe. Moi tous les matins, mais je coupe un trèfle. Mais non, on ne peut pas bouffer, parce que ça ne se mange pas. C'est vrai en plus, oui, c'est vrai, c'est vrai. Un téléphone, on proposait un téléphone, oui, on ne le coupe pas le téléphone. Si, tous les matins, moi j'arrive avec ma hache et je coupe mon téléphone à table avec mes parents. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, alors, 63-22, allez-y. Et puis au niveau de. Ah oui, c'est vrai, mais non, c'est l'heure de rappeler.

Ce n'était pas ma faute, je n'avais pas d'armes. À ceux qui s'apprêtent à m'ôter la vie, que Dieu vous bénisse, a-t-il déclaré. Troy Davis avait 42 ans. En Belgique, les patrons veulent interdire la prépension avant 60 ans et ils souhaitent le relèvement de l'âge légal de la pension. C'est ce qui ressort d'un forum de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. 770 000 emplois seront à pourvoir d'ici 2015, dont plus de 500 000 liés au seul remplacement des seniors. La disparition progressive des systèmes de prépension permettrait de faire face au vieillissement de la population et à ses conséquences sur le marché de l'emploi. Michel Martin peut être bientôt libre. Aujourd'hui, le tribunal d'application des peines de Mons doit rendre sa décision si oui ou non il accepte sa demande de libération. Sous ces nouvelles conditions, l'ex-femme de Marc Dutroux avait été condamnée à 30 ans de réclusion en 2004 pour avoir séquestré plusieurs jeunes victimes de son mari et laissé mourir de faim deux d'entre elles, les petites Julie et Mélissa. Le tribunal avait déjà donné en mai son feu vert à sa libération anticipée, mais le plan d'insertion qui prévoyait son installation dans un couvent en France n'avait pas abouti. Les chauffeurs des TEC La Louvière ont repris le travail après une journée d'action de grève surprise hier. Les chauffeurs du dépôt ont repris le travail ce matin. Les conditions de travail, notamment la vétusté du matériel roulant et la livraison tardive récurrente de nouveaux véhicules, étaient à l'origine du mouvement d'humeur. Tous les autobus roulent donc normalement ce matin dans la région de La Louvière et du centre. Un Belge est détenu en Centrafrique depuis 5 jours. Yann Kapel, 32 ans, est détenu depuis vendredi à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ce collaborateur d'une ONG était en route vers Bakouma pour animer un atelier sur les conséquences de la pollution à l'uranium. Lorsqu'il a été arrêté par des militaires avec 5 autres représentants d'ONG, il est depuis retenu au commissariat de police de la capitale sous surveillance militaire. Les raisons de son arrestation ne sont pas connues, mais plusieurs sources lui ont confirmé que la décision avait été prise au plus haut niveau présidentiel. Le Belge a fait appel au soutien des affaires étrangères belges. Et puis actualité sportive, en 16e de finale de Coupe de Belgique, beaucoup de clubs s'affrontaient hier soir, 54 buts en 14 rencontres. On retiendra que le seul club de D1, Leuven, s'est incliné 1-2 face à Ruppelbaum, club de Détroit. Et à 8h05, on fait un tour du côté de la météo. Retour des éclaircies, même si quelques nuages se reformeront cet après-midi. Le temps restera sec, température un petit peu en baisse, de 14 à 19 degrés. Et dès demain, de belles journées nous attendent, et ce, jusqu'à mardi prochain. Et dans un instant, restez bien là, puisque c'est dans 20 secondes d'infos en plus. Fun Radio. Fun Radio. 8h06 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. Donc si vous voulez vous inscrire, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Comme un qui vient d'arriver là, 84 euros pour l'hôpital, 58,57 € pour Mobistar, 585 € pour l'eau, la taxe moto 52 €, le revenu cadastral 233, 175 € pour le Minerval de mon fils, 130,83 €, mais on ne sait pas pourquoi, 585 €, on ne sait pas pourquoi non plus, c'est Véronique. Bref, on appelle quelqu'un dans 5 minutes, 6322, vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture et on vous appellera peut-être en direct dans 5 minutes. 8h06, l'info en plus. Les ultra fans de la petite pomme l'attendent avec impatience. L'iPhone 5 sera normalement présenté le 4 octobre. Peut-être. Alors oui, on parle de cette date-là, bon ça peut encore changer, mais bon c'est ce qui circule pour l'instant en tout cas. Celle-là, c'est pour mon anniversaire. C'était donc ça. Alors ce fameux donc iPhone 5 sera plus fin et plus léger que l'iPhone 4. Il sera équipé d'un appareil photo amélioré ainsi que d'un système d'exploitation plus sophistiqué. Alors bien sûr, si on attend de voir le nouvel appareil, on attend de voir aussi si c'est Steve Jobs qui va le présenter. Steve Jobs, qui vous rappelle, était le fondateur et directeur général d'Apple jusqu'au mois dernier. Il a démissionné parce que son état de santé, malheureusement, il a dû se battre contre un cancer et on pense qu'il est encore malade actuellement. Eh bien, il a démissionné le mois dernier de son poste. Il reste encore président du conseil d'administration. Donc peut-être que c'est quand même encore lui qui va présenter, comme il le fait à chaque fois, son espèce de show là pour présenter le nouvel iPad, le nouvel iPhone, etc. Les appareils de la marque Apple. Donc, on attend tout ça, mais on attend surtout le prix aussi. Hein. Oui, alors en sachant que l'iPhone 4 coûtait quand même près de 700 euros. C'est ça, oui, aux alentours de 700 euros, effectivement. 8h07 sur Fun Radio, dans un instant, on paye vos factures. Je vous l'avais promis, ça va arriver. 63,22 débuté par facture. Et Mystery Woody DJ Abdel, ça arrive. Thank you. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Allons-y. Mister You à l'instant sur Fun Radio avec DJ Abdel et Thank You. Restez bien là, il y a l'heure qui arrive, l'horoscope de Doudou bien sûr dans quelques instants, la déclaration express également, et puis on va vous payer vos factures comme chaque matin sur Fun Radio. C'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, 7h10, 8h10, 9h10, on appelle pour vous payer vos factures. On tire au sort parmi toutes celles qui arrivent là au 6322 en débutant le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on va rembourser combien là maintenant, Tof? 251 €. Ah quand même, hein. Et 60 centimes. D'accord, ok, très bien. Alors, c'était un beau cadeau pour ça, hein, ce prix-là. Allez. Qu'est-ce qu'il y avait? 155 € pour les frais d'école de mon fils, 250 € pour la taxe circulation, 20,97 € pour la facture de l'hôpital. Ah, on aurait pu prendre ça à 20 €. Oui, c'est vrai. 170 € pour le pneu de la voiture. Allez, Yvette. Allô? Oui, vous êtes bien chez Yvette, je suis malade pour le moment. Veuillez laisser votre message, merci. C'était pour quel objet? C'était pour l'huissier d'Yvette. Oh merde! Combien? 251 €, tu n'écoutes rien quand je parle. Non, je Yvette, préfère, on dirait Yvette. Mickaël avec tes infos. Oh, Yvette, oui. C'était Mickaël. Oh, je suis déçu là. Enfin, je suis déçu. Bon, c'est pas mon pognon, donc je m'en fous. Mais oh, je suis déçu quand même là. Il y avait en plus, c'était un huissier, ça valait le coup là. Bon bah Yvette, merde, Yvette. Voilà, non, mais on c'est vrai. Merde, Yvette. Mais non, voilà. Mais c'est vrai, putain, c'est ballot. En plus, tu t'es inscrit. Quand vous vous inscrivez, surtout pour une somme pareille, restez à côté de votre téléphone. Eh oui. Oh, bon, voilà. Rappelle Yvette non, encore. Bah un coup. Non, elle a perdu, elle a perdu. Oui, c'est vrai, je peux pas. Ah, elle a perdu, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une règle, il y a une règle. C'est vrai qu'il y a une règle, effectivement. Bon, j'aurais voilà, bien aimé faire des choses avec, mais. Oui, je me doute. Bon, bah tant pis, bah, si vous voulez vous inscrire hein, pour les autres, on remet le couvert tout à l'heure vers 9h10. Si vous voulez vous inscrire, oui, 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on ne sélectionnera que ceux qui se seront inscrits entre 8h10 et 9h10. 63-22, débutez le message par facture. Bah bonne chance tout le monde alors hein. Je suis déçu. Oh là là là là. Et restez bien là dans un instant, l'horoscope de Doudou arrive. Et Neyor aussi qui arrive avec Mombi, c'est Suavemente. Simpson sur Fun Radio. Oh, alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde hein? Bah essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est monsieur Tombola. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Le son meilleur sur Fun Radio avec Suavemente sur Fun. Tous les matins, on est en direct avec vous, il est 8h19 ce matin. Et une petite question encore, la petite question qui colle de ce matin là. Combien mesure la plus grande coupe afro du monde? Si vous avez une idée, hein, c'est au-delà du mètre, hein, donc n'hésitez pas. Hein. Combien mesure la plus grande coupe afro? C'est-à-dire qu'il y a une meuf, monde. Il y a une meuf, elle a plus d'un mètre de cheveux sur la tête. C'est ça. Voilà. Ah oui, quand même. Je répète donc, combien mesure la plus grande coupe afro du monde? Vous participez, vous jouez avec nous gratos via le mail mikael@funradio.be ou alors par SMS, c'est au 6322 et là c'est 1 € le message. Et nous allons maintenant accueillir notre ami Doudou. Radio. Allez Doudou, puisque vous êtes un peu bourré là, hein. Ah, mais j'ai presque pas bu une ou deux bouteilles, mais pas plus. Peut-être toi, mais ça, je suis pas sûr. Bah, c'est bien ce que je dis, donc. Hein. Donc, je vous demande ça parce que les Anglais passent quand même près de 4 ans de leur vie avec la gueule de bois. Ah oui, 4 ans, mais ça veut dire que ça fait 1400 jours de quitte. Oh, ça va encore. Oui, c'est vrai, oui, effectivement, vous êtes au-dessus de ça, vous, Doudou, évidemment. Ah bah oui, largement. Moi, je dois aller faire en maximum 4 ans, ouais, les 1400 quitte. Bon, allez, on va faire l'horoscope en espérant que vous ne voyez pas trop trouble, justement. Bon, je rappelle que l'abus d'alcool, bien sûr, est dangereux pour la santé. Bélier. Ah bon? Oui, oui. Allez, les béliers. Au travail, le soleil brille, votre compte en banque est bien rempli et votre carrière va très bien. Eh ben, c'est bien la preuve que Doudou raconte des conneries. Mais les non. Taureaux. Poursuivez cette voie et veillez à ce que chacun puisse s'exprimer. Les Gémeaux. Attention, vous courez les risques de vous surmener. Reposez-vous, prenez le temps, laissez-vous aller. Les cancers. Soyez aujourd'hui réceptifs aux signaux et lisez entre les lignes. Les lions. Pensez aujourd'hui à votre santé et modérez-vous sous les stimulants. Alors, pas de Red Bull. Ah, bah non. Les vierges. Un courant harmonieux vous rend souple et ouvert à l'amour. Les balances. C'est un bon sentiment quand la patience est enfin récompensée. Les scorpions. Une bonne idée vous promet un grand succès, alors réfléchissez bien. Les Sagittaires. Si vous continuez de vous surmener, vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Les Capricornes. Vous êtes plein d'énergie comme en début de printemps. Vous êtes en forme, tout va bien. Tant mieux. Les Verseaux maintenant. Ah là là, vous êtes sous pression et les exigences professionnelles vous donnent du fil à retordre. Et enfin les journées. Bah oui, enfin les Poissons pour terminer. Un peu de nouveauté ne serait pas une mauvaise chose dans votre vie amoureuse. Non, c'est vrai. Pensez aussi. Pensez à la tromper. Bon, ouais, c'est ça, Doudou. Bon, Doudou, retour oui. Tout à l'heure dans une heure. D'accord, pas de problème. Bon, je suis là, je reste là, je vais boire un petit coup. Ben, je m'en doute. Hein. Combien mesure la plus grande coupe afro du monde? Allez-y, les réponses. C'est David Guetta maintenant. David Guetta sur Fun Radio avec Little Bad Girl à l'instant, 8h24. Bon réveil tout le monde, j'espère que vous passez une bonne matinée à l'écoute de Fun. On est là jusqu'à 9h30 et d'ici à 9h30, pas mal de choses vont se passer, évidemment. Déjà, nous allons faire la petite déclaration express dans un instant dès que j'aurai mis la main dessus, hein, ce qui n'est pas gagné encore. On a essayé d'appeler celui qui était censé faire cette déclaration express, mais malheureusement... Il s'appelle John, mais malheureusement qui ne décroche pas et ça c'est bien malheureux. Donc, tant pis, hein, on va essayer d'appeler quelqu'un maintenant. Pour justement faire cette déclaration express, comment s'appelle Elle s'appelle Vanessa. Vanessa, on va l'appeler pour faire la déclaration express avec Sébastien Loeb. C'est parti et on donnera la réponse aussi juste après à la petite question qui colle. Question qui colle, c'est la suivante. Quelle est la taille de la plus grande coupe afro du monde? On proposait. Où est-ce qu'on proposait? Voilà, c'est ça. On proposait 11 mètres. Non, ne vous emballez pas non plus. 85 cm, c'est plus, bien évidemment. C'est au-delà du mètre, mais en dessous du mètre 50. Hein. Pas abusé non plus. Donc, bonne réponse au 63-22. Il vous reste quelques secondes et on appellera aussi le ou la gagnante pour Britney Spears. Bon, est-ce qu'on a Vanessa? Il était disponible. Oh, je le raconte aussi. Vanessa n'est pas disponible. Oh, déception totale. Oui, le public est très déçu. Raccrochez. Bah oui. Appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Allô Vanessa, bonjour Vanessa, c'est Mickaël, t'es en direct, enfin ton répondeur en l'occurrence est en direct à la radio sur Fun Radio et on t'appelait de la part de John qui lui non plus n'a pas eu les coronets de décrocher, c'est pas grave, pour te faire une déclaration express, écoute, c'est avec Sébastien Loeb, c'est ce qu'il a voulu te dire. Quelle belle musique. Oui, c'est beau. Oh là là. C'est beau. C'est bon, tant pis. Calmez-vous les garçons. J'ai bouffé des pâtes à l'ail. Et quand je t'ai parlé dans la face, tu as gerbé. Bon, ça c'est très agréable. J'avais mal à en crever, pas moyen de digérer. Il chante de ça. Surtout dedans. Que j'avais bien picolé. Et j'ai gerbé. Il doit être au lait là. Il a découvert les effets. Ouais, j'irai. Je ne rouvre pas, donc ne sois pas en stress. Mais j'irai bien dans ton lit toute la nuit. Mettre mon doigt. Non, ça ira, c'est bon, on a compris, Sébastien Loeb. Merci beaucoup pour cette petite déclaration express. Vous avez deviné qu'on a dû l'enregistrer, cette déclaration express, évidemment, puisque Sébastien Loeb est à Charleroi et bien entendu, il ne jouera plus jamais avec les effets qu'on peut lui conduire sur la machine. Voilà. Faut pas le laisser toucher quand il est tout seul. Non, c'est ça. C'est sûr. Parce que là, on avait l'impression qu'il était dans les toilettes, hein. Ouais. Mais vraiment dans les toilettes, quoi. Enfin. Bon, ben voilà, écoute, Vanessa, j'espère que cette petite déclaration de John t'aura fait plaisir, touché. Ça t'aura plu. Exactement, je l'espère pour toi, en tout cas. Voilà. Si vous voulez vous aussi faire la déclaration express, vous pouvez vous inscrire au 3044 en débutant le message par déclaration ou faire un mail, c'est gratuit, du coup, directement à Sébastien Loeb. C'est Loeb, L-O-E-B, @funradio.be. On l'a gagnant pour Britney? Bien sûr. Oh, ah non, pardon. Allez. Pour Britney, non. Bah alors, tu m'as dit de. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ouais, je suis prêt pour Britney, tu vois. Hop, mais tu veux qu'on fasse Britney? Bah, moi, je veux qu'on fasse Britney, ouais. D'accord. Britney Spears. Hi, this is Britney Spears with you on Fun Radio. Fun Radio vous offre les ultimes places pour le concert de Britney Spears. C'est nous qui vous filons les dernières places pour le concert de Britney Spears. Ça se passera à Paris et donc on vous envoie à Paris directement, tout frais payé, avec le train forcément, hein, direction Paname, donc avec l'hôtel, le transport et les places peut-être. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, avec l'album maintenant de Britney Spears, c'est Femme Fatale. Et le tirage au sort pour le grand gagnant, ce sera lundi. Lundi matin entre 6h et 9h30. Ça ne décroche pas, c'est moi qui gagne, d'accord? Non.

à 6h35. On redémarre tout là, c'est reparti. Ouais, hop là. À 8h35 donc. Alors, le Scarlett Johanssoning, qu'est-ce que c'est ? C'est un véritable phénomène sur la toile. On l'a bien compris, Scarlett Johanssoning, il y a un petit peu quand même Scarlett Johansson dans le nom du phénomène. Eh ben, c'est par rapport à ces fameuses photos qui ont circulé la semaine dernière de Scarlett Johansson nue, des photos qu'elle avait prises elle-même avec son GSM, donc son téléphone portable. Qui sont bien sûr sur amikael.fm. Et que bien sûr, Toff et Mickaël n'ont pas hésité de mettre quelques secondes après que j'ai annoncé cette information. Tout à fait. La semaine évidemment, dernière. D'ailleurs, nous avons déjà mis les photos de Aurore Dardenne. Oui, ah oui, qui est sans sa petite culotte. La fille de Michel Dardenne. Voilà, donc ça c'était un autre sujet, mais bon, Scarlett Johansson avait pris des photos d'elle nue, de face, comme ça, avec un effet de miroir derrière, on pouvait voir ses fesses. Eh bien, le Scarlett Johanssoning, ce sont des internautes qui se sont amusés à se prendre en photo de la même façon et qui ont été postés tout ça sur Internet. Il y a un blog qui rassemble tout ça. Vous tapez Scarlett Johanssoning et vous tomberez dessus sans problème. Il y a même des vieux qui sont pris en photo, même un chien qu'on a pris en photo avec ses fesses. Enfin bon, c'est assez rigolo. Ah ouais, sympathique, effectivement, pourquoi voilà. Pas. Bon, allez voir sur amikael.fm si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. On invite le gagnant là maintenant là pour la question qui colle. Bien comme sûr. Comme ça, c'est plié cette affaire là aussi, la elle question est là, qui colle. Elle s'appelle Nathalie. Salut Nathalie. Bonjour. Bonjour allez. Nathalie, comment ça va Nathalie? Ça va. Il faut arrêter de fumer Nathalie. Hein. Pourquoi? Il faut arrêter de fumer Nathalie. Non, j'ai un rhume. Ah, t'as un rhume? D'accord, ok, très bien. Bon, il faut soigner alors, hein, Nathalie. Bah ouais, je soigne. D'accord, alors Nathalie, tu as quel âge? Tu es dans quelle ville? 43 ans, jumet. De jumet, d'accord, ok, très bien. Alors, tu as la réponse à la petite question qui colle. Et la question qui colle, c'était la suivante, je la répète. Combien mesure la plus grande coupe afro du monde? 1m32. Exact, tout à fait, exactement, oui. Et donc, c'est Iveen Dugas qui a raté sa vocation, puisqu'elle aurait certainement été la reine du disco dans les 70s. Elle a 36 ans, et donc, elle est assistante sociale à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et donc voilà, elle détient le record de la plus grande coupe afro du monde avec une circonférence de 1m32. Ça doit être pratique pour dormir cette affaire. Ah bah surtout pour passer la porte. Ah ouais, et pour passer la porte aussi d'ailleurs. Tu les mets dans un bonnet géant. Ouais, en tout cas, bravo à toi, c'est gagné. Tu repars avec les cadeaux, je te renvoie au standard, d'accord? Merci. Gros bisous, à bientôt. Bisous, ciao. Et on va s'écouter les Maroon 5 maintenant avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Et juste après, le petit Dej service pour vous inscrire, 3044. Débutez votre message par Dej. Et je vous poserai également la petite devinette qui colle pour repartir avec les écrans plats ou avec les places pour le parc Astérix. Le son de Maroon 5 à l'instant avec Christina Aguilera, c'était Moves Like Jagger. Il est 8h41, bon réveil tout le monde. Et c'est une bonne nouvelle pour Julie, puisque des auditeurs sont encore venus apporter à manger un petit déj. Mais les auditeurs ont décidé que j'allais devoir prendre 43 kilos, je pense, voilà. En travaillant ici. Donc c'est merci ça. De tout cœur, parce qu'ils ont ramené des donuts, ce des genre donuts, de choses. Des cookies à la et crème. Et ça a l'air super bon, mais croissants. Je viens me... Regarde, il y a même un fil au chocolat là. De manger. Il est gros, il t'attend. Il est j'en peux Julie, plus. Julie, mange-moi. Mais ils sont trop mignons là, les petits loups qu'ils nous ont apportés. Et qui vont aller à l'école après. Bah oui, et puis Julie va prendre son petit 4h, elle va prendre quand même un petit pour tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ah bah pour le tout à l'heure évidemment. Et toi bien par sûr. Contre, tu lui as dit, il a déjà bouffé deux coups à la crêpe. Ah non, mais lui, il s'arrête pas. Hein. C'est un puits sans fond. C'est un gros porc, ouais. C'est ça le truc. Bon, on a Lob qui est de retour. La Lob qui était à Marcinelle tout à l'heure dans la région de Charleroi sur 103.5. On écoute Fun là-bas. T'es de retour, Lob? Ouais, je suis de retour, ouais, bon. J'arrive à la boulangerie à Couillet, dans une boulangerie à Couillet, où un auditeur va m'offrir le petit déjeuner en fait. Ah, toi donc, aussi tout le monde est content. Si 30 petites secondes, je suis là. D'accord, donc, ok. Voilà. Bon, bah super, alors impeccable. Alors, tu sais quoi, alors en attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va poser la petite devinette qui colle là pour repartir avec l'écran plat ou les deux places pour le parc Astérix. Alors, attention, un couple de jumeaux fait combien de personnes? Ça va. Pas non plus l'hallucination comme question. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, donc un couple de jumeaux, ça fait combien de personnes? La réponse au 63-22, et il y a donc un écran plat à gagner, ou alors des places pour le parc Astérix. Bonne chance, tout le monde, réponse dans moins d'une demi-heure. C'est un pléonasme? Un couple de jumeaux fait combien de personnes? Il y a quand même. Il n'y a même pas de question à poser. Si, est-ce que c'est un pléonasme? Il n'y a pas de question à poser. Si. Il n'y a pas de question à poser. Il n'y a pas de question à poser. Bon, alors, Lob, t'es de retour? Oui, je me gare et je vais voir l'auditeur là. Ah oui, donc tu te gares, bah oui, mais enfin on a pas la journée. Mais mets-toi double fil, tu veux les voir, on s'en fout. Voilà, parfait. On coupe le moteur. Voilà. Il y a déjà plein de mauvaises réponses qui sont arrivées. Voilà, donc je vais voir notre cher auditeur, je vais courir jusque lui. Très bien, bah cours vite alors, parce qu'il est déjà 8h43 là, Lob. Et lui, il a cru qu'on était encore. Tu sais qu'on était le soir, qu'on avait le temps. Bah, il avait 5 minutes. Bah, mec, 5 minutes, on a le temps là, hein. Bon, comment donc, voilà, là j'arrive à la boulangerie. T'as le mégaphone avec? Non, j'ai plus le mégaphone. Ah bah, bravo. Me dis pas que tu l'as perdu. Dans la voiture. Ah bon, ça va alors. Bon, très bien. Bon, ça y est, t'es dans la boulangerie. Voilà. Alors, on est là. Voilà, je suis avec notre auditeur. Alors, voilà. Ah, salut. Comment s'appelle l'auditeur? Comment tu t'appelles? Ben voilà, ben je vais te passer Mickaël alors. Ah ben très bien. Mickaël. Ouais, passe tout Didier. Allô Didier. Salut Didier, comment vas-tu? Ça va et toi? Ah ben, ça va, t'as vu, on est de passage tout près de chez toi là à Couillet. Ouais, c'est près de chez moi, ouais, c'est juste à côté de chez moi. Bon, et comme tu vas payer le petit-déj là à Sébastien Loeb, là, profites-en pour faire la pub de la boulangerie. Ah ben c'est la boulangerie Faye, F-A-Y-E, c'est à Couillet. D'accord, c'est quoi le nom de la rue là qu'on envoie les auditeurs? C'est à la rue de Villers. Rue de Villers, d'accord, ok. Bon, alors qu'est-ce allez, qu'on peut dire? J'ai vendu justement, elle sort, elle me dit que je suis encore là. Oui, c'est la boulangerie Faye à Couillet. D'accord, et eh ben alors justement, est-ce que si les auditeurs de Fun ils viennent ce matin là, de la part de Fun, qu'est-ce qu'ils ont gratuit? Attends, je vais voir, je passe la vendeuse. Bon, oui. Passe-nous la vendeuse, on va avoir tout le monde ce matin à Couillet. Allez, on aura fait le tour de Couillet. On aura fait le tour du monde. Ah, bonjour la vendeuse. Comment s'appelle la vendeuse? La vendeuse s'appelle Nathalie. Salut Nathalie. Bon alors Nathalie, qu'est-ce qu'on peut offrir aux auditeurs de Fun pour ceux qui vont venir à la boulangerie ce matin? Comment? Le monsieur te demande qu'est-ce qu'on peut offrir aux auditeurs de Fun Radio qui vont passer à la boulangerie ce matin? Un petit croissant gratuit ou qu'est-ce qu'on peut offrir? Mais je ne suis pas la patronne, moi je suis vendeuse, un petit sourire. Ah non, il faut quand même. Un grand bonjour et un petit sourire. Bon allez, on a fait la pub à la radio. Elle est où la patronne? Elle est où la patronne? Elle est pas là. Par hasard, ça se verra pas, tu peux. Oh, c'est dommage quand même. En plus, c'est dommage parce que la patronne, elle va t'engueuler en plus. Parce que tu vois, t'as une publicité gratuite à la radio. J'ai l'habitude. Ah, une publicité gratuite à la radio et du coup, la boulangerie, elle a une mauvaise image parce qu'elle est pas. Elle offre pas, c'est dommage. Ah, c'est ballot. Mais par contre, Piquet, c'est ça? Il m'a offert le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner de fou. Alors, Royal. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu là-dedans? Un chocolat, croissant et des merveilleux. Avec des merveilleux, il va devenir merveilleusement gros, ça va être énorme. Bon, Loeb, bah merci, merci en tout cas à Didier, merci à la boulangerie, et puis on te reprend tout à l'heure, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Voilà, c'était Sébastien Loeb qui était dans la région de Charleroi ce matin. Restez bien là, on parlera des embouteillages dans un petit instant, la ligne anti-relou également. Et Peter Lutz qui arrive avec Hands Up et Lynn LaRouge. Et restez là aussi dans un quart d'heure, on vous rembourse vos factures sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h49 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde et on fait un tour du côté de l'infotrafic maintenant avec July. Je vous rappelle ces gros embouteillages sur le ring et le 411 à l'entrée de la capitale en raison d'une grève des éboueurs. D'accord, donc il y a beaucoup de problèmes effectivement. Et ils font la grève surtout à la rue de la Loi, donc forcément. C'est possible. Bon, si vous êtes sur la route et que vous êtes témoin d'un problème, n'hésitez pas, que ce soit un radar, que ce soit un embouteillage, un accident, 30-44 par SMS et 50 centimes le message. Et puis bah nous évidemment, on transmettra à tous les auditeurs de Fun ou alors sur le mail, c'est mikael@funradio.be. La ligne anti-relou, c'est maintenant que ça se passe. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Allez, c'est parti pour la ligne anti-relou. Maintenant, vous le savez, chaque matin, on fait péter les meilleurs messages. Messages que vous avez, grâce à vous, hein, que les relous ont laissé sur le répondeur, sur la ligne anti-relou. Et donc, je vous propose d'écouter ça de suite. Écoutez bien le premier message qui a été laissé au 0 483 86 00 13. Ludo, t'es où? On t'attend là. Allez Ludo, mets ton petit string et viens nous voir. Allez Ludo, t'attends. Tout de suite. Ton petit string rouge. Allez Ludo, vas-y, viens. Ah oui, il a l'air bien au taquet lui aussi. Hein. Ah oui, Ludo, on t'attend, donc quand tu veux. Il est à fond sur le string, hein. Il ne pensait qu'à ça d'ailleurs. Message suivant. Ouais, c'est Ludo, c'est Wanda. Ben voilà, j'étais la mise en droit de ta boîte. On se voit qu'il y a moyen pour le nez qu'un coup, quoi, ça va? Alors rappelle-moi, ben Ludo, ciao, bisous, bisous. Voilà, donc lui aussi était bien perché, hein. Bien perché. Ah non, mais ils sont tous au taquet ce matin. Je vois déjà un mec qui appelle Julie. C'est du lourd ce matin. Bah c'est ça, je vois déjà un mec qui appelle Julie. Oh, il y a moyen qu'on ait qu'un coup, hein, Julie, hein. Oui, mais... Bah Julie va tomber sous le charme, évidemment. Ah, alors ça, c'est le... Mais directement, immédiatement, elle va tomber sous le charme. Ça sonne déjà. Mais bien sûr, mais c'est normal. Bon, allez, hop, on remet le dernier message. Ouais, ben c'est moi. Je crois pas déjà une appelée, je décroche toujours pas. Ben c'est pour savoir quand on aurait pu se voir, parce que je t'ai rencontré et j'ai vu que t'étais belle, quoi. Je veux dire que t'avais une belle paire de cheveux. Allez, rappelle-moi, bisous. Dingue, Sheila. Et une belle paire de cheveux. Bah, il s'est rattrapé, hein. Ils allaient dire forcément une belle paire de fesses. Ah oui, oui, tout à fait. Une belle paire de cheveux, évidemment. Et il s'est dit quand même, rattrapons-nous. C'est ça. Retour de la ligne anti-relou, ce sera demain, bien sûr, à partir de 6h du mat. Et puis on va s'envoyer le son de Peter Lutz avec Lynn LeRouge. Maintenant, c'est Hands Up. Et puis, petite question, devinette qui colle. Un couple de jumeaux fait combien de personnes? La bonne réponse au 63-22. C'est un euro le message. Il y a des places pour le parc Astérix à gagner ou des écrans plats. Un couple de jumeaux fait combien de personnes? Bonne chance tout le monde. Allez, Peter Lutz, maintenant c'est parti. Comme premier, Lynn LeRouge. 8h52 sur Fun Radio, c'est Hands Up. Peter Lutz à l'instant sur Fun Radio avec Lynn LeRouge. C'était Hands Up. Alors 8h55 sur Fun. Nous allons donc continuer à faire chier le monde, évidemment, avec l'aide de Toff, bien sûr, puisqu'on va appeler où cette fois là pour dire que tu ne veux plus travailler, Toff? Tu ne veux pas travailler. Comme on a fait, bon, on a fait le Forum à Liège, on a fait l'ONEM, voilà, Louvière. À la Louvière, je propose que maintenant on appelle à Bruxelles. À Bruxelles, oui, parce que ce matin, donc Toff appelle le Forum pour leur dire qu'il ne veut pas chercher le travail, mais qu'il veut continuer à être payé, surtout, évidemment. Et donc, évidemment, il veut rester chez lui. Ouais, mais c'est la faute de Julie. Hier, elle a dit qu'il y avait 16% de chômeurs en Wallonie et 14% à Bruxelles, je crois, ou l'inverse, enfin, un truc dans le style. Enfin, qu'il y en avait beaucoup, quoi. Ouais, c'est et, ça, ouais. Et donc, bon, c'est pas la peine que, voilà, moi, je prenne la place d'un autre pour rien, tu vois, alors qu'il y a plein de gens qui ont envie de travailler et que moi pas spécialement. Oui, évidemment, vu comme ça, le raisonnement tient la route, hein. Bah oui, tu vois que c'est imparable. Oui, pour toi peut-être. Pour l'administration, je suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça. Mais bon, si, allez, appelons, d'accord avec moi. Appelons maintenant à Bruxelles. On appelle qui du coup? C'est l'ONEM? C'est quoi alors? C'est l'ONEM à Bruxelles. C'est l'ONEM à Bruxelles, voilà, très bien. Allez, on y va, c'est parti. Appelons l'ONEM à Bruxelles. Coupons la musique pour pas se faire griller. Voilà. Ça sonne, c'est magnifique. Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, je vous appelle parce que j'ai reçu un courrier très désagréable de vos services, m'annonçant que j'allais être radié. Hein, parce que soi-disant, je ne cherche pas de travail. Mais madame, je ne veux pas de travail. Je veux rester chez moi et toucher mon argent tranquillement et je veux qu'on me foute la paix. Mais si vous ne cherchez pas de travail, monsieur, vous êtes radié, vous n'en touchez plus de chômage. Mais c'est bien pour ça que je vous appelle, madame. Moi, je veux continuer à toucher et qu'on me laisse sortir le week-end et me reposer la semaine. Écoutez, monsieur, si vous voulez toucher du chômage, ça veut dire que vous êtes... Enfin, il faut se considérer comme c'est nous, votre employeur, en fait, pour l'instant. Oui. Et si on vous dit de venir, vous êtes obligé de venir. Si vous ne venez pas, vous serez puni et vous ne touchez plus du chômage. Non, mais attendez, madame. Chez vous, monsieur, mais sans toucher du chômage. Non, mais venir prendre un verre de temps en temps avec vous, madame, il n'y a pas de problème. Mais enfin, là, de là à devoir chercher du travail toute la semaine, non, écoutez, j'ai autre chose à faire. Vous comprenez, le vendredi, il faut que je sorte. Le samedi, bon, ben, forcément, je sors. Le dimanche, bon, ben, il y a le carré. Et bon, après, faut que je m'en remette, vous comprenez? Vous êtes sérieux, là, monsieur? Ah, bah oui, madame, enfin, attendez. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de chercher du travail, mais vous ne pouvez pas toucher du chômage, non? Mais oui, mais enfin, si je ne touche pas d'argent, comment je vis, madame? Comment est-ce que je sors le week-end? Mais bon, c'est bien pour ça qu'il y a le chômage. Vous êtes obligé de venir travailler tous les jours pour avoir un peu de tout. Bah oui, pour mais c'est votre facture. Et pour payer mon chômage. Pour sortir, hein, monsieur. Et pour payer mon chômage. Reposer toute la semaine. Hein. C'est pour ça que vous travaillez, madame, pour payer mon chômage. Donc c'est normal que moi je ne fasse rien. Ça va, monsieur. Ah, elle était d'accord, elle a dit ça va, hein. Ouais. Ça va, monsieur. Oui, enfin bon, n'y croyons pas trop non plus. Elle était d'accord, ouais. Franchement, moi, j'ai un con comme ça qui m'appelle, mais je l'insulte. Mais elle a dit ça va, monsieur. Ouais, ça va, mais monsieur. Mais écoute, c'est ça qui est bien, je pense que c'est. Il faut garder son calme et se dire que des gens comme ça, c'est irrécupérable, des c'est gens ça, comme Toff, donc autant ne pas s'énerver. Un ça ne mérite même pas de s'énerver. Un jour, Julie se fera piéger. Oui. Alors, oui. Alors je dis que ça mérite même pas de s'énerver, mais à mon avis, moi, je pars au quart de tour direct. Ça, c'est sûr. Un jour, je pense qu'elle peut bien s'énerver. Ah, ouais, non, mais ne t'inquiète pas. Moi, des gens comme ça. C'est ça. Un jour, okay. Ça va venir, vous verrez. Certainement. Bon, restez bien avec nous. On va revenir dans un instant avec les infos avec Julie, évidemment. Et à 8h59, on va écouter dans un instant le son d'Avicii avec Levels. Et bien on doit encore appeler le gagnant ou la gagnante là pour Britney Spears puisque ça n'a pas décroché tout à l'heure. Et on va payer vos factures, ce sera dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, restez bien avec nous. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 9h01 sur Fun Radio. On fait un tour du côté de l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Les éboueurs sont en grève. Gros embouteillages à Bruxelles. Les éboueurs de la ville de Bruxelles bloquent la rue de la Loi. Et des embouteillages monstres se sont donc formés à l'entrée de la capitale. Le Ring et la E400 sont touchés. Et les agents de Bruxelles Propreté craignent des pertes d'emplois suite à la restructuration décidée mardi soir par les ministres bruxellois. La Propreté sera désormais confiée aux différentes communes. Alors que les chauffeurs des techs La Louvière ont repris par contre eux le travail ce matin après une journée d'action de grève surprise hier. Tous les autobus roulent donc normalement dans la région de La Louvière et du centre. Les patrons veulent interdire la prépension avant 60 ans et ils souhaitent le relèvement de l'âge légal de la pension. C'est ce qui ressort d'un forum de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. 770 000 emplois seront à pourvoir d'ici 2015, dont plus de 500 000 liés au seul remplacement des seniors qui partent à la retraite. La disparition progressive des systèmes de prépension permettrait de faire face au vieillissement de la population et à ses conséquences sur le marché de l'emploi. Et Michel Martin peut être bientôt libre. Aujourd'hui, le tribunal d'application des peines de Mons doit rendre sa décision si oui ou non il accepte sa demande de libération sous ces nouvelles conditions. L'ex-femme de Marc Dutroux avait été condamnée à 30 ans de réclusion pour avoir séquestré plusieurs jeunes victimes de son mari et laissé mourir de faim deux d'entre elles, les petites Julie et Mélissa. Le tribunal avait déjà donné en mai son feu vert à sa libération anticipée, mais le plan d'insertion qui prévoyait son installation dans un couvent en France elle n'avait pas abouti. Un Belge est détenu en Centrafrique depuis 5 jours. Yann Capel, 32 ans, est détenu depuis vendredi à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ce collaborateur d'une ONG était en route avec 5 autres collaborateurs vers Bakouma pour animer un atelier sur les conséquences de la pollution à l'uranium. Ils ont été arrêtés par des militaires. Les raisons de son arrestation ne sont pas connues. Le Belge fait appel au soutien des affaires étrangères belges. Il était 5h08 chez nous en Belgique, 23h08 en Géorgie aux USA. Troy Davis a été exécuté par injection létale. La Cour suprême des États-Unis a rejeté un ultime recours de ses avocats. Troy Davis, un noir condamné à mort en 1991 pour le meurtre d'un policier blanc, avait fait l'objet d'une intense mobilisation internationale, des doutes planant sur sa culpabilité. Selon des témoins sur place, il a proclamé à nouveau son innocence dans ses dernières paroles. Pardon. Ce n'était pas ma faute, je n'avais pas d'armes. À ceux qui s'apprêtent à m'ôter la vie, que Dieu vous bénisse, a-t-il déclaré. Troy Davis avait 42 ans. Et puis enfin, actualité sportive en 16e de finale de Coupe de Belgique. Beaucoup de clubs s'affrontaient hier soir. 54 buts en 14 rencontres. On retiendra que seul le club de D1, Leuven, s'est fait avoir et s'est incliné 1-2 face à Ruppelbaum, club de D3. 9h04 sur Fun Radio, la météo. Retour des éclaircies aujourd'hui, même si quelques nuages... Non, pas du tout. Temps qui restera sec, même si quelques nuages se reformeront cet après-midi. Température en baisse de 14 à 18 degrés. Et dès demain, de belles journées qui nous attendent, et ce jusque mardi. Eh bah, profitons-en bien, parce qu'après, je crois que ce sont les dernières. Hein. Enfin... Non, ça on ne sait pas, prévoir comme ça, pas, à 15 pas, jours mais... à l'avance. Si, moi je peux le savoir. Ah d'accord, ok. Moi je suis croyant. Donc tout ça, c'est de ta faute en fait. Exactement. L'été pourri, c'est toi. Tout à fait, okay. Tout est ma faute. D'accord. On en reparlera plus tard. Tout est ma faute. Et d'accord. Comme disait dans les ch'tis. La croyante m'a dit que j'allais. Voilà, la croyante elle a dit qu'il allait faire mauvais. C'est pas plus compliqué que ça. Fun Radio. Fun Radio. Il est 9h05 et faisons maintenant un petit point sur l'info en plus. Alors, Mickaël et Toff, est-ce que vous faites vous-même vos lessives? Oui. Bah non, Toff, l'habitude de ses parents, donc c'est non. C'est sa mère, bah, moi je l'ai fait, oui, pourquoi? Tu l'as fait parce que faites attention à vos machines à laver. Enfin, je rigole, mais c'est pas très drôle. Ça s'est passé à Lessines, c'était lundi soir vers 23h. Laetitia, une habitante de Lessines, a décidé de laver ses vêtements et ceux de ses trois enfants. Ouais. Elle lance le programme habituel, elle quitte sa salle de bain où était sa machine à laver, et heureusement pour elle, car terrible explosion. Sa machine à laver explose littéralement. C'est ça, mieux vaut ne pas faire de sondage. Ouais, autant acheter des fringues neuves à chaque fois. Attends, donc la machine à laver a explosé. Donc Laetitia et son mari ont toujours fait un coup dangereux de faire la pour constater les dégâts. Le lave-linge est complètement détruit. Des pièces métalliques ont été projetées partout. Donc elle a eu Qu'est-ce vraiment que c'est beaucoup délire, de chance. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est l'info qui venait de tomber ce matin. Bah, à mon avis, c'est le mec qui a dû faire la lessive. Il a dû mettre de l'essence dans le truc à la place du produit de linge. Ah oui, mais ça, on ne sait pas. L'autopsie de la machine à laver n'a pas encore été. Tant pis. Non, mais ils te disent un calgon à chaque lavage. Hein. C'est ça. Donc, voilà, mais grosse frayeur quand même. Et heureusement, plus de peur que de mal. Il y a juste une machine à laver à racheter et une salle de bain à refaire. Ouais, bah, enfin, c'est déjà quand même pas mal. Hein. Ouais. Bon. Enfin, le constructeur, il va participer. Bah, j'espère. Hein. Bah, enfin, écoute, j'imagine. L'info vient de tomber. On n'a pas plus de détails, mais je pense qu'il y a quelques petites enquêtes. Bien sûr. Elle part à Lessine sur le terrain. Elle part à Lessine juste après l'émission. Voilà, exactement. Pour aller enquêter. Bon, dans un instant, la réponse à la petite devinette qui colle. Un couple de jumeaux, ça fait combien de personnes? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Et il y a un écran plat à gagner avec des places pour le parc Astérix. Et dans un instant, on vous appelle aussi pour vous rembourser vos factures. Comme chaque matin, 7h10, 8h10, 9h10. Avicii sur Fun Radio avec Levels, il est 9h10 et c'est l'heure maintenant de rembourser une facture cash. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 6322. C'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est tous les matins que ça se passe. Et trois fois par matinée d'ailleurs, 7h10, 8h10, 9h10. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 en débutant le message par facture, en mettant le montant de la facture et l'objet de la facture. Tout à l'heure, ça n'avait pas décroché, mais cette fois-ci, on rappelle. Il y avait 196€ pour un hôpital, l'accouchement. Oh, c'est beau, c'est mignon. Fallait pas faire de gosse. Oh, oh, tu t'offres. 84€ pour David de Liège. Personne veut en faire avec toi. On va rembourser combien là? Bah tu attaques à lui demander. Bah d'accord, bonjour, comment tu t'appelles? Agnès. Et qui t'appelle chaque matin pour te payer tes factures? Bon alors attends. Attends. Qu'est-ce qui. Combien il faut te rembourser? Je dis combien est-ce qu'il faut te rembourser? 176€. Et c'est pour rembourser quoi? C'est pour rembourser l'aménagement du code de mon fils. Oh, ah, bah excellent. Voilà, allez. Oh là là là là. Voilà, dis bon, attends, mieux. Je vous adore. On vous écoute tous les matins, c'est trop bien. Quoi. Je viens de mon fils à côté. Je l'emmène au cours, il est trop content, franchement. Écoute, tant mieux, alors. Mais quel âge as-tu? Oui, t'as quel âge, toi? J'oserais même pas vous dire, 52 ans. Ah oui, mais t'as pas la on voix. On dirait hein. Pas du tout quoi, je lui donne facile 22 mois. Tof, il était prêt à draguer là. C'est ça, moi j'étais chaud et tout. C'est pour ça que je me suis dit, je gagne. Ah, c'est génial. Je vous adore. Elle a la patate quoi. Ah ouais, bah c'est surtout que. Ça me fait super plaisir. Ah bah nous aussi. C'est surtout son fils qui doit être dans le fauteuil à côté, il doit faire maman, ta gueule. Génial. Par contre, ne crie pas trop dans ton téléphone parce qu'on n'a pas tout compris de ce que tu as dit, mais ce n'est pas grave. Bon, 175€, on va t'envoyer, on va te faire un petit virement là tout à l'heure et puis tu restes au standard, on t'explique comment ça marche. D'accord, ça va, merci beaucoup. Je t'en prie, salut à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ciao à toi. Bon, bah voilà, ça fait plaisir, on l'a fait plaisir là. Oh, bah elle avait l'air d'avoir, oui, ça, ah c'est ouais. Sûr. Ah ouais, je pense qu'on a fait plaisir c'est... là. C'est même pas qu'on lui a fait la journée, c'est qu'on lui a fait l'année là. Ouais, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de gagner là ce matin, sachez qu'on remet le couvert dès demain, bien sûr. Mais évidemment. Et surtout que bientôt, pour ceux qui, les étudiants là, qui ont pris un code qui est vide comme un code en fait finalement, que nous allons bientôt vous pimper votre cote. Oh. Voilà, je n'en dis pas plus, mais ça va arriver dans les jours à venir. Dans les jours à venir, c'est Pimp Your Cut, Pimp My Cut. Ce sera bientôt sur Fun Radio, en exclu total. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais restez bien fidèles à Fun, puisque c'est peut-être votre cote qu'on va pouvoir réaménager gratos, bien sûr. Bon, dans un instant, c'est Mika qui arrive. Avec Elle me dit, dans un instant il y aura l'horoscope également, on parlera encore de nos amis ch'tis et puis on appellera quelqu'un pour Britney Spears. Ne bougez pas, Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tomola. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Oui, effectivement, ça sent pas la rose ce matin. Bon, 63-22 dans un instant, écran plat à gagner avec la petite question qui colle. Un couple de jumeaux, ça fait combien de personnes? Allez, bonne chance tout le monde. Elle me dit... 9h19 sur Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et c'est l'horoscope, le dernier de la journée ce matin, avec évidemment toujours notre ami Doudou qui est là. Hein. Doudou, vous voulez un petit croissant là? Ah bah évidemment, pour une fois que vous m'offrez quelque chose. Ah non, mais c'est pas moi, c'est les auditeurs qui sont passés là, qui les ont apportés. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, hein. Les béliers sont pas très généreux. Mais pas du tout, je suis quelqu'un de très généreux. Oui, c'est ça, bien sûr, proche de ses sous comme jamais surtout. Mais alors, mais lesquels? Bah, ouais. C'est ça le problème. Voilà, bon, d'ailleurs, je vais partager l'horoscope, hein, voilà, c'est bien. Oh là là, voilà. Grand seigneur. Eh oui. Bon, les béliers. Alors, au travail, le soleil brille, votre compte en banque, il est bien rempli. Ouais, bah, votre carrière, elle va très très bien. C'est ça. Les taureaux. Les taureaux, poursuivez dans cette voie et veillez à ce que chacun puisse s'exprimer. Les gémeaux. Les Gémeaux, attention, vous courez le risque de vous surmener, alors reposez-vous, arrêtez le travail. Bon, les cancers. Les cancers, soyez réceptifs aux signaux et lisez entre les lignes. Les lions. Les lions, pensez aujourd'hui à votre santé, modérez-vous sur les stimulants, pas de Red Bull aujourd'hui. Les vierges. Un courant harmonieux vous rend souple et ouvert à l'amour. Les balances. Alors, les balances, c'est un bon sentiment quand la patience, elle est enfin récompensée. Les scorpions. Une bonne idée vous promet un grand succès. Réfléchissez bien aujourd'hui. Les sagittaires. Si vous continuez de vous surmener, vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Reposez-vous. Ben oui, les capricornes. Vous êtes plein d'énergie comme au début de printemps. Alors pensez à en donner un peu aux sagittaires. Oui, c'est bien aussi, oui. Les verseaux. Vous êtes sous pression et les exigences professionnelles vous donnent du fil à retordre aujourd'hui. Bon, et puis pour terminer, les poissons. Un peu de nouveauté ne serait pas une mauvaise chose dans votre vie amoureuse. Très bien, merci Doudou, à demain. Ben de rien, c'était un bel plaisir. Bon, sinon on a un réparateur électroménager qui nous dit que ça arrive, ton info, l'info en plus, Julie, là, les machines à laver. Ça arrive quand on charge trop la machine, les boulons se desserrent et le béton qui est dans la machine à laver se détache et lors de l'essorage, c'est le drame. Ah bah écoute, voilà. Voilà, comme ça vous savez tout hein, maintenant. C'est bien, on informe les gens. T'as vu un peu, hein. 9h21 sur Fun Radio, avant de parler des ch'tis dans un instant, de faire gagner la gagnante ou le gagnant pour Britney Spears. Nous allons écouter maintenant Likely Lee sur Fun Radio avec I Follow Rivers. Bonne matinée sur Fun Radio et Lucas qui arrive dans 10 minutes. 9h25 sur Fun Radio avec dans un instant Lucas qui arrivera. Lucas pour le self comme chaque matin entre 9h30 et 13h évidemment sur Fun Radio. Et nous allons maintenant appeler quelqu'un pour Britney Spears. Hi, this is Britney Spears with you on Fun Radio. Fun Radio vous offre les ultimes places pour le concert de Britney Spears. Exactement, c'est ici que ça se passe et rien que sur Fun Radio, les dernières places pour le concert de Britney Spears. Ça se passe en France, à Paris. On vous enverra là-bas, évidemment, tout frais payé, le transport ainsi que l'hôtel et les deux tickets pour Britney Spears. Vous êtes avec la personne de votre choix et nous avons qui avec nous maintenant? Bonjour. Allô? Nous n'avons personne. Aussi, ça va sonner. T'as fait encore fait des... Non, ça va sonner. Bah oui, mais ça ne sonne pas. Alors c'est Mickaël qui s'est de nouveau pas appuyé sur le bouton. Non, tout est poussé là. Ah, voilà. Je suis entouré de bras cassés quand même, les gars. Bah, de bras cassés. C'est normal, on essaie de ressembler à notre idole. Ah oui, c'est-à-dire. Bah toi. Bah oui, bien sûr. Mais oui, parce que tu es notre idole. Moi je gère les infos, en même temps je vous parle, en même temps j'écoute ce que vous dites, en même temps je vous surveille, en même temps j'essaye de... Tu es une mère pour nous. Mais oui, c'est ça. Je sais bien. D'ailleurs on t'appellera maman, Dorella. Non, je t'appellerai la baronne si tu veux bien. Tiens, étonnant, tiens. La baronne de l'information. La baronne de l'info. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Thierry. Salut Thierry, ça va bien? Oui, très bien, oui. Bon, tu sais qui t'appelle? J'ai pas compris, pardon. Tu sais qui t'appelle? Oui, Fun Radio. Mais oui, bien sûr, c'est Fun Radio. Tu t'es inscrit pour repartir avec les places pour aller direction Paris pour le concert de Britney Spears et pour gagner l'album, le dernier album Femme Fatale de Britney. Sache que le dernier album, il est gagné, il est pour toi. Et sache aussi que tu es dans le petit pot pour être tiré au sort lundi. Plus que quelques fois dormir pour savoir si tu repars direction Paris pour assister au concert de Britney Spears. Ok, trop cool. Désolé que je puisse pas crier plus. Je suis dans les bureaux et je suis laveur de vitre. Donc voilà. C'est pas grave, t'as qu'à dire hey, salut bande de cons. Non. Non, ça ira. Ah, c'est dommage. Tu vois, tu trop cool, merci beaucoup. Tu n'y mets pas du tien. Y a pas de problème. Bon, salut à toi et puis à bientôt. Passe une bonne journée. On va te renvoyer chez au standard pour prendre tes coordonnées. Salut. Dans un instant, la réponse aussi à la petite devinette qui colle. Mais avant cela, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, si, vous devez vous souvenir, je suis sûr qu'il vous manque énormément d'ailleurs, nos amis ch'tis. Mais oui, les amis ch'tis. Alors, ceux qu'on attend avec impatience. Bah, bien sûr, ça c'est clair. Bon, ils vous ont manqué, je m'en doute, l'émission Les Ch'tis à Ibiza, qui n'est donc pas encore diffusée chez nous, hein, mais qui fait déjà le buzz sur internet, évidemment. Ouais, mais hein. c'est normal. Les mecs sont tellement barrés, ils sont tellement énormes dans ce truc. Et franchement, ils ont de la chance que ça n'ait pas traduit. Parce que imagine la honte que la France se taperait dans le monde. La France et tous les pays qui parlent français. Ouais, mais ça, non, là on sait qu'ils viennent du nord de la France. Hein, ouais, c'est vrai. Et on a encore un très bel exemple ce matin, écoutez bien. Il y avait un rayon un peu farce et attrape, des conneries comme ça. Je tombe sur quoi? Sur un sexe masculin, en silicone, avec les spermatozoïdes à l'intérieur, le truc super drôle. Ah ouais, super drôle. Ouais. Oh là là, à mort de rire. Ah ouais. Ça, on rigole pas des mêmes choses en fait. Ouais, faut pas si, toi, oui, toi. non. Si. Cela dit, je commence vraiment à me demander si on parle vraiment la même langue qu'eux. Hein. Jordan redait un petit peu autour des filles parce qu'il était pas d'accord que. Enfin, que les hommes soient sur nous. C'est vrai qu'on voulait, on attendait qu'une chose, c'est qu'ils se barraient, quoi. Qu'ils se barraient. Ah ah. Mais oui. On attendait qu'une chose, c'est qu'ils se barraient, quoi. Tu vois. C'est normal, quoi. Bah voilà, c'est ça. Bon, et dans un épisode de nos amis ch'tis, ils vont aller voir une voyante également et regarder la rencontre avec. Enfin, écouter plutôt la rencontre avec cette voyante. Est-ce que tu fais les cartes pour quelque chose en particulier? Pour les gonzesses. D'accord. C'est parce que pour moi, les amours. L'amour. Mais moi, j'ai les amours parce que j'en ai plusieurs. D'accord, en fait. Oui, c'est mieux à ton âge. Mais voilà, c'est mieux, effectivement, oui. Bah oui, parce qu'il a bien compris le rapport hein, entre tirer les cartes, tirer les meufs. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Elle va pas sortir de la carte, la dame de cœur. Hein. Elle a pas envie de toi. Tiens, je lui dis petite question. Tiens, celle qui te lit les cartes et te dit l'avenir, c'est qui? Une voyante. Exactement. C'est une voyante, mais ce n'est pas le cas pour Christopher. Écoutez. Est-ce que tu fais les cartes pour quelque chose en particulier? La croyante m'a dit que j'allais loin. Alors oui, remets-la parce que. Bien sûr, je le remets. Si tout le monde a bien entendu. Voilà. Donc écoutez, donc pour Julie, quand elle va voir quelqu'un qui lui tire les cartes et lui dit l'avenir, c'est une voyante. Et pour Christopher, c'est... La croyante m'a dit que j'allais loin. La croyante, elle a dit que j'allais loin. Mais il est on déjà arrivé. Beaucoup, hein. En tout cas, il va aller très très loin. Ah, il est déjà très très loin, le petit. Hein. Ça, bah, c'est... Moi-même, je vais aller voir la croyante ce soir. Mais oui, mais t'as bien raison. Sûr. Mais tu as bien raison d'aller voir la croyante. Mais évidemment. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'il faut faire un truc pour nos amis ch'tis. Hein. Ouais, leur apprendre le français peut-être. Serait une bonne idée déjà, effectivement. Oui, commençons par un Becherel. Oui, ce serait bien aussi. Bon, allez, la réponse maintenant, vite fait pour terminer, à la devinette qui colle de ce matin. La devinette qui colle, c'est donc avec qui? Qui allons-nous appeler maintenant? Écoute, je ne sais pas. Mais nous allons l'appeler. En tout cas, la question était la suivante. Un couple de jumeaux fait combien de personnes? Alors attention, il y a eu un grand débat dans le studio. Oui, c'est... Oui. Parce que des gens n'étaient pas d'accord avec et mon... Et c'est l'Académie française qui a tranché. L'Académie française a tranché, effectivement. On proposait 3 personnes. Non, ce n'est pas la bonne réponse, évidemment. Hein. Alors, attention, suspense. Ça ne sonne toujours pas. Le standard le plus rapide de Belgique. Il est là. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Jason. Salut Jason, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio et je t'appelais pour que tu puisses nous donner la réponse à la grande énigme de ce matin. Un couple de jumeaux fait combien de personnes? 2 personnes. Et oui, 2 personnes, car un couple de jumeaux, ça peut être par exemple 2 filles jumelles, 2 garçons jumeaux, totalement différents d'une autre famille, qui se mettent ensemble. Donc c'est-à-dire un des 2 jumeaux sera avec l'autre, le garçon et la fille. Et un couple, c'est un couple. Un couple, c'est deux personnes. Voilà. Ça ferait un couple de jumeaux. Voilà, parce que l'Académie française tolère 3 jumeaux. C'est, oui, tolère, mais enfin bon, voilà. Non, mais ça veut dire que, en fait, jumeaux, ça veut simplement dire que c'est la même. Ah, c'est la même. Ça ne veut pas dire double. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, bah, écoute, bravo à toi en tout cas. Tu repars avec les cadeaux, écran plat ou parc Astérix, les 2 places. Tu verras ça au standard, d'accord? D'accord, merci. Salut à toi, bientôt. Salut, ciao. Eh ben voilà, une de pliée là maintenant. On va partir dormir, hein, Julie. Parce que Julie, elle a un autre travail. Ah oui, moi je travaille. Moi je suis une vraie journaliste, il faut que j'enquête. C'est vrai, oui, elle part à Lessine pour enquêter sur la machine à laver. Ah non. C'est vrai, demain nous aurons plus d'informations à ce sujet. Auditeur hein, qui nous a expliqué comment ça fonctionnait. L'explosion de machine à laver, effectivement. C'est quand on charge trop la machine. Exactement, du coup, forcément, les vis se desserrent et donc forcément le béton tombe et le drame. Et voilà. Bon, passez une bonne journée en tout cas. 9h32 dans un instant, Lucas va débarquer avec le self. Bonne journée à Julie. Bonne journée Mickaël. Bonne journée à Toff. Oui, bonne journée. Allez, à demain 6h. Salut tout le monde. Salut à tous. Il vous manque déjà? Pas de panique, Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.